tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et oui, on est là en direct sur Fun Radio. Là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En pleine forme. Ouais. Bon, tant mieux. Sandro, t'attends toujours pour bouffer le quick là. Ah, je peux pas venir, j'ai rendez-vous avec mon mec. Je peux pas. Bon, bah, on fera ça semaine pro. Ouais, bah d'accord. C'est noté, vous avez remarqué, c'est noté. Hein. Ouais, bon, j'espère que ce soir vous êtes prêts pour le choc. Hein. Certes, match amical Belgique-France ce soir au Stade Roi-Baudouin. D'ailleurs, j'ai mis la photo de Kevin qui avait gagné hier. Là. Il a passé même mieux, il a même fait une vidéo. Il est arrivé genre 4 heures avant le début du match. Il était dans le stade, il était vide le stade. Ah, et donc, il a fait sa vidéo. Bon, il est pour la Belgique hein, vu la coloration de son visage. Donc, vous pouvez aller voir ça évidemment dès maintenant donc, sur facebook.com/michaelofficiel. On va donc suivre le match en direct ce soir. Si vous avez des pronostics, vous pouvez évidemment les envoyer sur facebook.com/michaelofficiel ou sur le Twitter en mettant le hashtag Michael. Évidemment, on fera un tirage au sort pour vous faire gagner justement de l'iPod Nano dernière génération, alors le casque DJ. Donc les pronostics ce soir, vous y allez. Hein. Est-ce que la Belgique va gagner? Est-ce que la France va gagner? Mais à combien? Voilà, combien? Genre 3-0, 0-3, comment ça va se passer? Les pronostics, celui qui sera le plus dedans gagnera. Vous avez jusqu'à la mi-temps. Ouais, parce qu'après, faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Vous n'allez pas arriver à la 89e minute en disant je pronostique le score. Voilà, donc on va jusqu'à la mi-temps et après on arrêtera les pronostics. Évidemment, on tirera au sort quelqu'un qui s'est inscrit donc sur le facebook.com/michaelofficiel. Bon, on ne parlera évidemment pas que de foot ce soir, on parlera de tout ce que vous voulez évidemment. Hein, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000, ça marche également depuis la Belgique. 02 851 4x0. Il y a Sandro au standard qui vous attend. On parlera aussi des excuses bidons. Eh oui. Il y en a, hein. Alors, que vous avez déjà donné, genre, vous êtes arrivé en retard au travail, ou à l'école, par exemple. Voilà, donc, genre, le réveil a pas sonné, tu vois. Hein. Voilà. Par exemple, hein, tu vois, c'est ça. C'est une étude anglaise, en fait. C'est l'excuse numéro un, justement, c'est je me suis endormi devant mon réveil a pas sonné. Ouais, je pensais que le réveil avait pas sonné, il était devant moi. Non, je me suis endormi, ouais, tu sais. Je me suis endormi. C'est un truc facile, tu vois. Le réveil a pas sonné, ouais. J'avais prévu de me réveiller, mais. Bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est j'ai changé d'avis. Bon, alors, il y en a aussi des plus originales, hein, comme ah, oh, bah, mon fils a joué avec mon réveil. J'ai pas vu qu'il avait changé l'heure. Et alors, évidemment, la célèbre panne de courant. C'est quand même un truc qui arrive quand même très rarement aujourd'hui. Bon, si vous êtes dans une campagne, dans un petit village paumé, bon, pourquoi pas, mais bon, dans les villes, je veux dire, c'est quand même très très rare qu'il y ait une coupure de courant. Donc, surtout que maintenant, dans les réveils, c'est une petite pile, tu sais, mémoire, donc le truc qui sonne quand même, quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous avez déjà donné comme excuse pour être arrivé en retard au travail ou au bahut? Comment ça s'est passé? Est-ce que la personne l'a gobé? C'est ça le plus important. Donc, vous nous dites tout ça, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Vous pouvez aussi évidemment nous envoyer tout ça sur Twitter. Hashtag Mickaël ou sur Facebook, je vais mettre le post dans quelques instants. D'ailleurs, vous, l'excuse la plus improbable, Tof? La plus improbable, moi j'avais dit, c'était la grève, enfin la ligne dans laquelle j'étais, et en fait ils travaillaient pas. Oui, c'était en grève. Voilà, c'est juste cette ligne-là qui faisait grève. C'est pas de chance, hein, c'est juste vraiment pas de bol. Bah ouais, t'avais pas l'autre, voilà. J'en dis tellement que. J'ai oublié. Non, ma spécialité c'est le train. Celle de ce midi. Genre, je me suis levé plus tôt, j'étais dans le train, et putain, il est coincé quoi. Il avance pas, c'est vraiment de la merde, etc. Et pire, c'est que je l'ai gobé, donc ça a marché. Ouais, c'était une vanne. Voilà, bah, ça a marché. Ouais, mais le suicide dans le métro, ça marche toujours bien. Ouais, mais en général, maintenant, on en parle assez facilement, tu vois, sur internet, tout ça. Donc, le prof ou ton boss, il peut vite griller normalement. Et toi, Sandro? Bah, le coup du métro en retard, etc. Mais je me suis déjà fait griller comme ça. Sans déconner. Le prof allait vérifier après. Sans blague. C'est-à-dire qu'une fois, ça va, mais. Bon, bah, dites-nous, vous, là, comment ça se passe, là, quelles sont vos excuses favorite, il y a Tristan tiens, qui dit je suis en train de vous écouter depuis mon iPhone. Bah c'est cool Tristan, sois le bienvenu tiens. Juju qui dit ce soir peu importe qui gagne pourvu qu'on a droit à un beau match, c'est sûr. Et Malinx le Lynx qui dit j'allume la radio pour vous écouter. Bah sois le bienvenu, soyez d'ailleurs tous les bienvenus évidemment ce soir. On est là en pleine forme et comme tous les mercredis aussi on jouera à ce grand jeu qui est le Je t'emmerde. Et le but du jeu n'a pas changé évidemment. Il faut placer un maximum de je t'emmerde hein, tout simplement pendant la phrase. On appelle évidemment quelqu'un au hasard. Celui qui gagne, celui qui arrive à en placer le plus repartira donc soit avec un iPod Nano dernière génération, soit avec un casque de DJ. Voilà, je t'emmerde, c'est la conversation normale. Allez-y, le record est détenu par Magali qui a réussi à en placer 28. Ouais. 28 je t'emmerde la semaine dernière. Alors le but évidemment c'est pas de placer plus que Magali, elle a le record, mais c'est le but c'est d'arriver à en placer plus que celui qui va jouer face à vous ce soir. Hein. Donc s'il y en a un qui arrive à faire 10 et vous faites 12, bah vous gagnez évidemment. Voilà, donc si vous voulez participer, bah, vous appelez Sandro dès maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et puis on accueille Alex qui est avec nous là maintenant. Là. Bonsoir Alex. Allô. T'appelles pourquoi? Ben en fait parce que je voulais passer le plus très longtemps mais on me ferme la porte ou soit on me remballe quoi. On te remballe? Ouais, on me remballe, voilà. En fait il est fâché parce qu'il veut passer à l'antenne et on laisse jamais passer. Ah ouais, on te ferme la porte, c'est ça? Oui voilà, on ferme la porte d'accès quoi, voilà. Ah d'accord, ok, on te ferme la porte d'accès, ouais. Attends, ben je la referme deux secondes là, voilà. Hop là, il y a Eric aussi qui est avec nous là. Bonsoir Eric. Alors reste avec nous Alex, t'inquiète, on te reprendra tout à l'heure. Bon Eric, t'appelles des Hauts-de-Seine toi, 92, tu nous appelles pourquoi? Alors moi j'ai un gros souci avec mon ex-famille, elle me doit de la thune. D'accord, très bien, nous allons tenter de récupérer ça sans problème. Il y a Thibaut également qui est avec nous là, bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bonsoir, on parle de quoi dans un instant avec toi? Alors on va parler que j'ai la gueule depuis une semaine là. Ah oui c'est vrai, on t'a eu hier soir, bah très bien, t'es bon. Reste avec nous, on écoutera aussi le son de Lumidi avec Dance. Et puis si vous voulez écouter autre chose, hein, n'hésitez pas à vous demander. On me l'a fait demander aussi tout à l'heure là sur le Facebook, là, j'ai pas oublié, la Showtech. Je vous le calerai tout à l'heure avant 23h, promis. Peut-être même avant 21h, tiens. Alors ce que j'ai à proposer aussi ce soir, c'est Sean Paul. Ah, donc ça, si vous voulez écouter, n'hésitez pas. Ou encore Muttonheads. Et alors si vraiment vous voulez aussi, j'ai le nouveau son qui déchire tout là. Un nouveau son de Stromae. Voilà, avec moule frites, hein. Polo aime les moules frites sans frites et sans maillot. Voilà. Bon, celui-là évidemment c'est une vanne bien entendu, hein. Yo yo yo. Bon bah voilà, donc si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Le son d'Enflore, on vous l'a calé. Si vous voulez entendre autre chose, n'hésitez pas à vous demander. Voilà, pas plus compliqué que ça. Vous demandez 01 42 48 5000 ou alors sur le hashtag Mickaël sur Twitter. N'hésitez pas. Et puis on accueille avec nous Anna qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Anna. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Appelles pourquoi, dis-moi Anna? Bah alors en fait j'appelle parce que ma meilleure amie elle est en train de me faire des crises de jalousie en fait. Oh c'est pas vrai. Et si. Non. Oh là là là là, ses meilleures amies. Mais genre elle fait quoi comme crise de jalousie? En fait ce qui se passe c'est que cette année j'ai changé de bahut et j'ai rencontré une fille avec qui je m'entends vraiment très très bien et donc on est assez proches. Petite intervention là, tu t'entends bien, c'est-à-dire? Bah on est assez amis quoi, enfin on est assez proches. D'accord. Oh, ah oui d'accord, donc t'as pas les femmes qui aiment les femmes, c'est juste que ça, c'est ce que Paulo voulait savoir. D'accord, ok, très bien. Non, c'est avec elle, non. Non, d'accord, ok, très bien. Et donc? Et donc en fait, ma meilleure amie, elle est un peu jalouse à chaque fois que j'en parle, elle s'énerve, elle me dit qu'elle a une sale réputation, que c'est qu'une conne, enfin. D'accord, alors attends une seconde, Alex? Oui? Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Parfait. Bon bah alors Alex, bouge pas puisque Alex nous avait appelé parce que et reste avec nous Alex hein, parce qu'il était fâché parce qu'il passait jamais à l'antenne. Tu restes avec nous ce soir Alex là? Oui je reste, mais après il faut que j'aille manger. Ah bah merde Alex, dis donc t'es à l'antenne maintenant, tu veux te barrer bouffer, tu vas manger non, quoi? Mais je sais pas, ouais je vais peut-être un peu rester. J'espère bien, parce que tu restes pour nous faire plaisir là. J'essaie de rester, tu restes pour nous faire plaisir là. Oui, bien sûr, j'espère. Moi je mange après. Ah bah ouais, non mais tu manges quoi? Barbecue. Ah bah tranquille, et la petite brochette, tu nous la mets de l'autre côté là, une petite merguez. Ouais, pourquoi pas, vas-y. Ah bah j'espère bien. Bon, donc du coup t'as pas d'avis Alex? Ouais, non, j'ai pas d'avis. Bah parfait, bon bah reste encore avec nous, on va revenir avec Anna dans un instant. Est-ce que vous aussi vous avez peut-être déjà eu des amis un peu jaloux, des amis un peu jalouses parce que vous avez d'autres amis en fait? Il y en a qui supportent pas ça, hein. Il y en a qui supportent pas, c'est quand ils sont amis avec quelqu'un, c'est l'exclusivité dès que tu sais, alors ça arrive souvent, c'est tiens, il y a mon meilleur ami. Ton meilleur ami? Je croyais que c'était moi et du coup ça part en couille pour ça. C'est con hein, mais ça arrive. Ça arrive. C'est gamin, c'est gamin. Complètement. Enfant, ouais. Bon Béana, tu restes avec nous? Ouais, pas de soucis. Bon, et Lumidi, ça te branche dans un instant là, Anna? Ah, mais ouais, carrément. Mais Mickaël, il faudrait vraiment que tu passes le son de Stromae, ça serait vraiment trop bien. Lequel? Bah, moules frites, c'est de Polo. Les moules frites. On le passera peut-être avant la fin de l'émission. Tiens, dites-nous si vous voulez entendre là, le hashtag est Mickaël. Vous mettez ça sur Twitter, les moules frites, c'est ça. Hein. Bon, c'est pas très dancefloor, mais bon, c'est pas grave. Faut le remixer. Ouais, on va le remixer, on va demander à Miko, ouais. Voilà, bon, on le mettra peut-être tout à l'heure, tiens. T'es sûr que tu veux vraiment l'écouter? Ah, franchement, ouais. Ouais, ah, ouais. Non, non, mais d'accord, ok, très bien. Bah écoute, alors pas de problème. Anna, tu restes avec nous, on va revenir dans un instant avec toi, ok? Pas de problème. Allez, bouge pas de là. Et puis, continue à faire vos pronostics hein, pour le match de soir Belgique-France. Match amical, certes, mais ça reste quand même un match, un gros match malgré tout. Donc, si vous voulez. Attends, je vais l'enlever parce qu'il m'a saoulé là déjà le travail. Si vous voulez donc tenter de gagner votre iPod Nano ou votre casque de DJ, il suffit simplement d'aller mettre votre pronostic sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. À la mi-temps, on fera un tirage au sort. Enfin, à la fin du match, on verra pour le tirage au sort pour savoir celui ou celle qui sera le plus près ou même carrément dans le bon score. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Un truc à dire. MIKL, appelez MIKL. No limit. 01 42 48 5000. MIKL. Tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là vous balancez évidemment tous vos messages comme chaque soir avec les pronostics à balancer pour le match. Vous y allez, n'hésitez pas, facebook.com/MIKL officiel. Il y a Tristan d'ailleurs qui dit Belgique-France, un partout, on verra. Il y a Ben aussi qui dit non, il ne faut pas l'écouter, c'est pas du boum boum tchik tchak. Ah bah non, non, mais t'inquiète pas là. Il y a quoi aussi, Kia qui dit oui, ma femme n'aimait pas ma meilleure amie, maintenant que ma meilleure amie est décédée, ma femme s'en veut. Ah bah oui, mais ça c'est trop tard après. Hein. Fallait réfléchir avant, qu'est-ce que je te dise. Ouais, c'est clair. Il y a Stéphane aussi qui dit encore une super émission ce soir. En tout cas, on va essayer. Anaïs aussi sur Twitter. Pareil, le train en fin de jour de grève, j'ai pas eu de train et je pouvais pas venir. Bah oui, c'est une bonne excuse également. Bref, les bonnes excuses, vous les balancez maintenant. Qu'est-ce que vous avez déjà balancé comme excuse qui a fonctionné? Genre parce que vous êtes réveillé en retard, parce que vous êtes arrivé en retard au bahut, vous êtes arrivé en retard au travail. Qu'est-ce qui a fonctionné? Vous balancez tout au 01 42 48 5000. Et le son Dance Floor de Fun avec Lumidi maintenant, c'est Dance sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Et allez-y, appelez le standard justement là. Il est là, dispo, disponible. Il y a Sandro qui est là évidemment et qui décroche. Si vous appelez, il n'y a pas de problème, vous serez évidemment les bienvenus. Stéphane qui dit 2-0 pour la France ce soir. Ça a l'air compliqué parce qu'il y a même le sélectionneur français qui disait que c'était un peu compliqué. Oui, la dédèche. Exactement, ouais, c'est le cas de le dire. Bon, retour dans un instant avec notre ami Alex. Tiens, Alex. Oui. T'en penses quoi du match de soir, toi? Je sais, ouais, moi je crois que c'est plutôt la France qui va gagner, je sais pas. Ah, tu sais pas? Je sais pas, c'est mitigé peut-être. Hein. Mitigé peut-être. Non, parce qu'Alex en fait nous avait appelé parce qu'il avait gueulé en disant qu'on le prenait jamais à l'antenne, donc du coup maintenant je te demande, tu sais, dès qu'on se pose une question, je te demande quoi. Ouais, mais en fait, juste une question. Ouais. Est-ce que là, toi, je vais aller manger, est-ce que après, c'est possible que je rappelle ou mais bien sûr, on va te rappeler, là. T'as fini de manger à quelle heure, dis-moi, Alex? Je sais pas. Attends, je vais demander à mes parents. Ah bah, demande à ta mère. Demande à ta mère. Attends, je vais demander. Ah, vas-y. Dis-lui, tu dois te manier là parce que t'as des trucs à faire hein, ce soir, donc ça doit pas durer 3 heures. Il est quelle heure? Je vais demander. Vas-y, demande. Vers quelle heure on a fini de manger? Vers 21h? 21h, 21h15? Ouais, essaye plutôt 9h moins quart. Hein. 9h moins quart, ouais, mais. Tu manges vite. Est-ce que je pourrais finir vers 9h moins quart? Ça va être juste, en fait. Ah putain. Ah ouais, mais là. Non, parce que le problème, c'est que si t'arrives pas à revenir avant 9h, là, j'ai peur que la radio s'arrête. Et la porte va se fermer. Et la porte va se fermer, là, définitivement. Bon. Non, mais s'il te plaît, je te. Bon, écoute, essaye de faire au plus vite, parce qu'après, ça m'ennuierait que. J'essaie d'être le plus vite que je peux. Je vais manger plus vite que je peux. Mange normalement, t'ouvres pas quand même. Non, mais t'inquiète. Calme-toi. T'étouffes pas, Alex. T'inquiète pas. Alex. Oui. Bon, on va te rappeler. Voilà. Mange normalement. Allez, mange à ton aise et pense à nous pendant que t'es en train de bouffer alors que nous on est que dalle. Mais vous me rappelez. On va te rappeler à 9h. Bien sûr. Mais oui, on va te rappeler à 9h, Alex. Prends ton temps pour manger, t'étouffes pas. Ouais, 9h, 9h15, d'accord. J'espère que ça sera pas trop tard. Mais non, t'inquiète, Alex. Merci. Bon, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ouais, j'aime bien. D'accord, bon, c'est génial, ouais, c'est parfait. Bon. 21h, ok. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi? Bah, de ce que je viens de dire, là. Par rapport au mammouth. Mammouth? Ouais. C'est quoi un mammouth? Mais qu'est-ce que t'en penses? Mais quel mammouth? Bah, les mammouths, le truc dont on vient de parler, Alex. Mais t'es sur le planète ou quoi? Mammouth. Bah, on vient de parler des mammouths. Qu'est-ce que t'en penses? Pas du tout. Alex, t'es sérieux ou quoi là? Bon, non, qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'en pense bien, les mammouths. T'aimes bien? Bon, ok, d'accord, très bien. Bon, bah, tout à l'heure, alors, Alex, ça va, bon appétit. Ouais, 9h. Ouais, 9h. Ouais, 9h, 9h, 9h, 11h. Tu vas nous appeler si on te rappelle pas. Oui, bah, oui. Bon, à tout à l'heure, Alex. À tout à l'heure. Allez, ciao. Bon, bah, c'est bien. Je pense qu'on a, quelqu'un qui, parce que comme Pedro, le directeur d'antenne, il s'est barré, il a dit, je vous écoute pas ce soir, j'ai pas le temps. Au moins, on a Alex qui gère un peu le bordel, c'est tu cool. vois. C'est cool. C'est-à-dire qu'il est là, il serre un peu les boulons quand on fait des conneries, Et puis, il a toujours un avis intéressant. et il met le point sur le sujet sensible Alex à chaque fois. Il va raccroche. Ah, ouais, ouais. Et encore en standard, il est au top. Il est au top. Bon, bah, je vous calais Lady Gaga aussi dans un instant, tiens. Allez, nouveau son de Lady Gaga. Sandro, on aime bien le chanteur. Ouais, j'adore. Bah, ouais, ce sera Applause dans quelques instants sur Fun Radio. Allez, on va prendre Anna aussi là. T'aimes bien Anna, toi, le son de Gaga, le nouveau? Ouais, ça y est, t'as toujours bien aimé, ouais. Bah, tu préfères Stromae évidemment avec Moulfrit, hein. Oui, oui, il y a pas de problème. C'est le son de l'été là. Évidemment, ça, évidemment, on est d'accord. Ah bon, oui. Anna, donc tu voulais parler de problème de jalousie, toi, il y a quelques instants. Et donc toi, tu nous disais qu'en fait, t'avais le problème de jalousie, mais pas avec ton, enfin avec ton mec ou quoi que ce soit, mais avec ta meilleure amie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, ça te pose évidemment, j'imagine, un problème. Bah en fait ça me pose un problème parce que des fois elle me dit ouais mais bon enfin bah, tu sais par exemple le soir elle me dit ouais tu passes plus de temps au téléphone avec elle qu'avec moi enfin c'est un peu la galère quoi. Ah oh non mais attends c'est sérieux ça quand même. oui non vraiment elle est vraiment très elle est assez jalouse et enfin c'est compliqué quoi. Mais attends t'as déjà essayé de lui dire que vous étiez pas un couple? Ouais non mais j'ai essayé de lui en parler mais le problème en fait c'est qu'elle s'énerve à chaque fois et qu'elle me dit non mais c'est toi tu fais des films, je suis pas du tout jalouse, voilà je trouve juste que t'es trop avec elle et voilà. Non mais enfin tu fais ce que tu veux jusqu'à preuve du contraire tu vois. Ouais non mais voilà c'est ça en fait mais enfin bah, j'ai pas envie trop de créer de clash avec elle. Comme non mais d'accord non mais je comprends ça tout ça c'est pas un problème mais enfin tu vas pas continuer comme ça indéfiniment à lui rendre des comptes. T'imagines si tu la rends des comptes à ta meilleure amie, tu la rends des comptes à ton mec, tu la rends des comptes à tes parents, comment ça se passe? À ton patron. Je peux y arriver. À ton boss ouais à tes elle... profs enfin bref peu importe à tout le monde quoi. Elle est pas amoureuse de toi? Non je pense pas. T'es sûr? Parce que elle est sortie avec un mec il y a pas longtemps. Non, mais ça veut rien dire. Et secrètement, tu vois, je veux dire, elle traîne ça depuis tellement d'années. Non mais il y a un moment faut lui dire. Bon, c'est quoi ces remarques hormis le fait que tu restes trop longtemps au téléphone, c'est genre quand tu parles à quelqu'un d'autre, tu dis ouais, ma meilleure amie elle a fait ça et quand tu parles pas d'elle, du coup ça la rend ouf. Ouais, c'est ça, ou genre si je vais trop insister, si genre je raconte ma journée que je dis bah alors avec Charlotte j'ai fait ça ou ça, enfin elle va me dire ouais bon ça va, t'en as assez parlé, on peut parler d'autres choses, enfin on voit vraiment que ça lui plaît pas quoi. Ah ouais, ça la fait chier, d'accord. Ouais. Ah putain. Mais sinon tu lui dis que c'est pas avec Charlotte, tu vois, tu m'étonnes d'autres noms. Ouais, mais ouais. Genre si t'as fait 3-4 trucs avec Charlotte, tu dis une fois avec Valérie, Sabrina, et puis comme ça, elle a pas l'impression que c'est toujours avec Charlotte. Bah non, mais attends, ouais, il y a un moment, relou, elle fait comme elle veut. Ouais, j'ai peur de me trahir à force de mentir et non, tout. Non, mais voilà, mais c'est ça. Non, mais, et puis même, et puis, tu dois même pas mentir, en fait, tu fais comme tu veux, c'est un truc de ouf. Et tu vois que Toff a l'habitude de mentir. Ouais, ouais. Il vient de balancer une de ses feintes. Ouais, c'est ça. Il comme Toff, moi, quand même. Parce qu'il faut savoir que Toff, en fait, il a 500 personnes, 500 contacts dans son iPhone, mais en fait, il a vraiment que 100 différents, parce que c'est tous des noms différents en fait qui tournent avec les mêmes numéros, les mêmes mails, etc. quoi. Bah oui. Bah oui forcément, bah, c'est sinon, normal. Je sens plus. Bah oui, sinon, évidemment. Après j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'amis donc bah, je comprends. Ça. Non, je comprends rien, je comprends rien. Bon bah écoute, Anna, reste avec nous encore. T'as ça toi aussi comme problème puisque Sandro comme c'est une fille, je voulais avoir l'avis des filles parce que c'est plutôt les filles en général qui sont comme ça hein. Ouais, c'est moi ta meilleure amie, pas l'autre là, c'est pas mèche, c'est de connasse. Les mecs on s'en bat les couilles. Bah oui, je pense ouais, il y a des mecs ça peut arriver aussi mais bon voilà, je voulais l'avis de vous mesdemoiselles. Je voulais votre avis plutôt en français. 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique 02 851 4x0. Sandro, toi avec tes amis? Moi je suis pas du tout comme ça, c'est un truc que je comprends pas. Non mais que des amis à toi non elle faisait pas des scandales mais elle faisait des petites réflexions, des fois elle était un peu possessive mais je trouvais ça mignon parce que c'était pas dans l'excès. Et puis tu sais je me rendais pas compte. T'en kiffes sur elle? Mais ça va oui. T'as envie de taper une meuf? Mais non. Par contre, toi, par contre, c'est ton délire en ce ouais, moment. En ce de quoi? Moment, tu t'as envie que toutes les meufs elles couchent ensemble? Voilà. Ah non, pas du tout. Mais non, mais c'est elle qui dit ah mais je trouvais ça mignon et tout ça. Non, mais elle mignon, parle comme si elle parlait de son mec qui est un peu jaloux. Mais par contre, je comprends pas du tout les meufs qui sont jalouses. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai une copine qui va boire un verre avec une autre. Je m'en fous quoi. Ah, tu m'as pas appelé? Ouais, voilà. Et pourquoi et tu m'as pas appelé? Je suis trop, c'est ça? Mais alors j'en ai rien à foutre. Je suis trop, hein? Eh bah t'iras voir. Eh bah parce que c'est ta meilleure amie, mais reste avec elle. C'est plus la peine de m'appeler. Voilà. Bon, gros l'histoire c'est un peu ça. Quand t'es jeune, en fait, je pense que jalousie comme ça aussi. Ouais, peut-être, ouais. Et toi, Miko, attends, il est là, il est pas là pour ça à la base, mais c'est pas grave. Miko, t'es là, Miko? Ouais, ça va toi? Miko, party fan? Non. Ah bon, d'accord, ok, je pensais, autant pour moi. Non, ah ouais, d'accord, Nico. C'est un autre, très bien. Bon, Nico. Je suis aussi DJ. De Carcassonne, ah, t'es aussi DJ, t'es décidément. De Carcassonne, Nico, toi t'appelais pour la colle, mais avant de faire la colle, est-ce que t'as déjà aussi, toi, des problèmes comme Anna, tu vois, genre avec des amis un peu trop possessifs? Non, moi, ça va, franchement. De ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. D'accord. Et toi, tu t'en fous quand t'as un ami que t'estimes être ton meilleur ami qui dit, ah, bah là, mon meilleur ami, il a fait ça, mais en parlant de quelqu'un d'autre? Bah, genre que t'es pas son meilleur ami, quoi. Le mieux c'est d'en parler, hein. Oui, bah le mieux c'est d'expliquer, mais après t'as des gens qui sont vraiment complètement fermés, quoi. Le pire c'est quand t'es entre copines et qu'il y en a une que tu veux esquiver. Ouais. Ouais, mais ça c'est chaud par contre. Ouais, là, c'est plus compliqué. Tôt ou tard, elle va tomber dessus, hein. Non, mais bien sûr, non, là c'est plus compliqué. Facebook, ouais. Et tout, la meuf elle voit les photos après, tu vois. Ouais. Elle sent le vécu. Vous avez fait une soirée, vous m'avez pas appelé. C'est ça. En plus, ouais. Bon, ben Anna, reste avec nous. On va demander l'avis des filles. Mesdemoiselles, allez-y. Les mecs aussi, d'ailleurs, hein, allez-y. 02 851 4x0, numéro du standard pour la Belgique. Et puis pour les autres, 01 42 48 5000. On vous attend. Bon, il y a également donc Miko là pour la colle là ce soir. Là, t'es là, Miko, donc. Toujours là, ouais. Toujours. Parfait. Alors, je tiens à signaler que hier soir, c'est le colleur, donc c'est celui qui pose la colle, qui a gagné. C'est pas arrivé souvent. Bah, qu'une seule fois. Hein, c'était la première fois. Mais comme quoi, ça arrive. Bon, alors Miko. Fais péter la colle, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer sur facebook.com/mickaël officiel ou sur le Twitter, hein, vous mettez le hashtag mickaël pour répondre. On t'écoute, Miko. C'est parti, alors la colle c'est: quelle est la différence entre un distributeur de billets et une prostituée? Quelle est la différence entre un distributeur de billets, et une prostituée, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, bah, allez-y, hein, facebook.com/mickaël officiel ou alors Twitter, vous mettez le hashtag mickaël avec la réponse. Donc, quelle est la différence entre un distributeur de billets et une prostituée, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, bah, il y a un iPod Nano à gagner dernière génération ou alors le casque DJ. Tu choisirais quoi si tu gagnes, toi? Moi, franchement, un casque DJ. Un casque DJ? D'accord, ok, très bien. Ben, on verra ça dans un instant. Tu bouges pas de là, alors. D'accord? Pas de soucis. Parfait. Bouge pas, Miko. Et on va prendre aussi les meilleures excuses, les excuses des plus bidonnes, là, que vous avez eu l'occasion de donner, pour, vous sortir d'emmerde. Genre, vous êtes arrivé en retard. Ah, ben, c'est mon réveil qui a pas sonné. Mon fils a déréglé. Le chien a bouffé le réveil. Il y a eu une panne d'électricité, etc., etc. Quelles étaient les meilleures excuses que vous avez balancées pour, vous sortir d'ennui, quand vous êtes arrivé au bahut, quand vous êtes arrivé au travail? Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Fred aussi qui est avec nous là, 41 ans, d'Aubernade, c'est ça? Non, Audenard. Ah, Audenard, d'accord, mais c'est très mal écrit dans le standard, c'est pour oui, ça aussi. Oui, hein. je vois cet orthographe dramatique. Allô Fred, Frédéric? Oui, comment ça va Fred? Oui, ça va. Bah ça va bien et toi? Oui, oui. Bon, Frédéric, alors toi t'es sur la route pour aller voir le match, mais magne-toi parce que t'es en retard là. Non, pas du tout. Nous sommes sur la route, direction Aigues-Mortes, Gros du Roi. La famille est là. Ouais. Ah, oui. Et tu nous appelles pourquoi, Fred? Ah, parce que nous supportons les Belges, mais... mais quoi? Nous félicitons les Français qui vont marquer un but. Mais malheureusement, nous allons marquer 3. Ah oui. D'accord Fred. Ben j'ai envie de dire que le meilleur gagne Fred. Oui tout à fait. Et ben voilà, tu vas regarder le match alors. Oui tout ah, à oui, fait. Ah oui. Très bien. Et ben écoute Fred, ben on verra que le meilleur gagne alors Frédéric. Hein. Mais Fred, tu vas regarder dans ton voiture. Malheureusement ce seront les Belges hein. Oui, on verra. Oui. Hein, je suis dans le d'accord mais hein. Ah, maître Peter, son avis. Oui, je voulais savoir. Est-ce que tu as une caravane? Non, pas de caravane. Ah. Non. Ça, ce sont les Hollandais, hein, avec les caravanes. Oui, c'est vrai, évidemment, oui, tout à fait. Bon, très bien. Maître Peter, je vous le présente. C'est vrai qu'on l'avait, oui. On l'avait pas encore présenté. On l'a pas eu d'emmerde, alors c'est pour ça, encore pour l'instant. Maître Peter, c'est l'avocat de l'émission. Oui. Très bien. Dans le barreau de l'Anvers, hein. Oui, tout à fait. Merci, Maître Peter. Bon, restez là. Vous allez regarder le match avec nous ce soir? Bah oui, hein, maintenant je suis là. Hein. Oui, bah restez là. J'ai garé mon caravane en bas. Devant le Bayard, c'est ça? Non, derrière. Ah, derrière, c'est moins cher. Il y a plus de place devant le grand bâtiment. Ok, merci Maître Peters. Bon, bah Fred, que le meilleur gagne. Oui. Et merci de passer Fred, hein. Bah je t'en prie, écoute, ça va bien toi? Ça va. Allez, tant mieux. Allez, salut ça à va. Toi, Fred. Bon, Miko, le retour dans un instant. Cédric qui est avec nous là. Bonsoir, Céd. Bonsoir. Bonsoir, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Ben, j'ai un ami à moi, il est un peu jaloux aussi. Eh ben, parfait, tu vas réagir à Anna, donc alors reste avec nous surtout. Et puis on va s'écouter, comme promis, le son de Lady Gaga maintenant, c'est Upload sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit, il est 20h29, là on est jusqu'à 23h ce soir, donc profitez-en bien. Et puis, voilà, amusez-vous bien, bonnes vacances et kiffez bien la soirée ce soir. Appelez Mickaël, No Limit, 01-42-48-5000. Ouais, et on est en direct sur Fun Radio, la bonne soirée tout le monde avec, dans quelques instants, eh bien, le son de Shootech, je vous l'avais promis, on se le mettra dans un instant. Et si vous voulez écouter un son en particulier, vous demandez hein, le hashtag est Mickaël, évidemment, ça marche sur Twitter et sur le Facebook également, facebook.com/mickaël officiel. Des messages qui sont arrivés, là Marion sur le Twitter qui dit je pense que ça fera 2-0 pour la Belgique ce soir. Il y a As Magic qui dit aussi la réponse. Attends, c'est quoi? C'est que... Ah bah oui, non, bah attendez, attends, je vais pas les lire, je vais attendre d'avoir Miko là, parce que si jamais c'est la bonne réponse, du coup je donne la réponse à tout le monde. Donc attention, faut se méfier. Il y a Denis aussi sur le Twitter qui dit le retour de Maître Peters. Bah oui, c'est notre avocat, il est là aussi, Clara qui est contente aussi. Il a quel âge le Alex là que vous avez eu il y a quelques instants là, 10 ans, lol en tout cas, il est plutôt comique. Ouais, il a 13 ans en fait, hein, je serai encore avec vous ce soir, je vous kiffe trop, c'est Rémi qui avait envoyé le message. Et alors Christine qui dit le pauvre Alex, vous le faites tourner en bourrique, il est trop mimi ce petit loup. Bah oui, il était gentil, mais il était mignon. Ouais, mais il arrive. Là, il va terminer son barbecue tranquillement avec papa, maman, et puis après il va revenir, et puis on lui demandera son avis sur l'émission, sur le match, sur tous les sujets dont on va parler ce soir. Bref, il va être à la cool, quoi. Mais oui. Hein, voilà, tout simplement. Et Arthur qui dit merci Mickaël de nous passer le son numéro 1. Cette chanson est si géniale. Applause, applause. Eh ben très bien, Lady Gaga. Donc à l'instant sur Fun Radio, son que je vous avais fait découvrir. C'était il y a deux jours. Maintenant, retour avec Anna qui est avec nous. Allô, allô, Anna. Anna. Ouais. Ouais, je suis là. Ouais, très bien. Alors, Anna, donc, qui nous avait appelé parce que, elle est avec une amie qui est un peu relou, quoi, qui est un peu possessive. Bah, pas relou, mais possessive. Pas relou, mais possessive. Voilà, ouais, c'est ça. Jalouse, voilà. Bon, et il y a Cédric qui voulait aussi réagir là. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Bon, t'appelles de Marignane, toi, dans les Bouches-du-Rhône, hein. Et tu voulais aussi réagir à Anna, donc, toi aussi, t'as un ami ou une amie un peu possessive. Ouais, j'ai mon meilleur ami, j'ai l'impression qu'il a un peu des tendances, enfin, j'ai l'impression de lui plaire, tout ça. Quand on sort, le soir, on va en boîte ou quoi, il essaye un peu de il se colle, quoi. Entre des relations que je pourrais avoir avec des copines et tout. Ah, il se colle, c'est ça? Ouais, un peu. Il essaye de m'écarter des filles, tout ça. Ah ouais, mais ça, c'est différent, ça. Parce que visiblement, Anna, c'est pas ça le problème, tu vois. A priori, la meilleure amie n'est pas en kiff sur elle. C'est juste qu'elle est jalouse d'amitié, tu vois. Elle est pas jalouse du reste. Toi, c'est visiblement ton pote, il est gay et il a envie de te casser les pattes arrière, quoi. Ouais, j'ai l'impression en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. C'est pas tout à fait pareil. Mais il y a un moment, il va falloir peut-être lui demander, lui rendre des comptes, lui dire que toi t'es pas gay, quoi. Ouais, j'en ai parlé un peu, mais je sais pas, il reste un peu évasif, tout ça. Ouais, bah écoute, à un moment il faut être clair, hein, parce que non mais déjà pour lui, tu vois, il y a un moment il faut qu'il sache qu'il perd son temps. Si tu le laisses espérer, si t'es pas franc et que lui il espère, alors que il pourrait aller voir ailleurs et enfin tu vois, et continuer, espérer trouver quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Mais en fait c'est un ami à moi, on se connaît depuis tout petit, tout ça, donc c'est bizarre un peu. Ça, j'ai un peu des boules, je me pose des questions. Bah justement, bah pourquoi tu t'oses pas lui demander? Tu crois qu'il va mal le prendre ou t'as peur de la réponse ou c'est quoi? Non, j'en ai parlé, mais il m'a dit non, je fais pas exprès, c'est juste comme ça. Je te kiffe, voilà. Mais je voulais pas te le dire. Non mais voilà, après pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, attends, on va répondre aussi. Mais... Eh, dis-moi Anna, elle s'appelle comment ta meilleure amie? Tara. Inji. Ah bah parfait, bon là justement avec nous, tiens, salut Tara. Quoi? Bonsoir. Ah bah comment ça va Tara? Ah bah ouais, mais bon, tu sais, Fun c'est une grande famille, hein, Anna, hein, tu sais. Bah ouais. Bah écoute, franchement. Oh, putain, non. Non mais Anna, franchement, l'avantage au moins c'est que hop, comme ça c'est fait. Voilà. Alors, je précise juste un truc, parce que Anna, elle m'avait donné le numéro en fait hors antenne quand je l'ai eu. Je l'ai pris quand même au cas où, tu vois. Mais là, je l'ai pas appelé. Hein, Tara. Ah oui, on l'a elle pas appelé. Elle a appelé au standard. Hein, Tara, c'est toi qui as appelé, hein. Oui, c'est moi, oui. D'accord, non, mais qu'après elle disparaisse, Sandra, c'est une connasse, tu vois. Voilà. Bon, alors Tara, donc 17 ans de Toulouse, hein, comme Anna, justement. Donc si t'as appelé, c'est que t'as entendu le début, Tara, tu sais ce que Anna te reproche? Ah oui, j'ai bien entendu, oui. Très bien, alors attention, demandons l'avis des mignons. Parfait. Alors, baston. Elle, je précise juste à Anna hein, que Tara, oui. C'est pas pour faire ma connasse, hein, mais Tara, elle a dit putain, mais elle me fait passer pour une connasse devant toute la France. Oui, son drôle, c'est pas sa connasse. Elle a ouais, été nommée. Mais non, mais elle a, c'est ça, maintenant on sait que c'est Tara de Toulouse, 17 ans. Bon, il y en a 3-4 quoi. Bon, alors, Tara. Non, je pensais vraiment pas que t'écoutais. Fin... Ah oui, c'est con, hein, c'est dommage. Hein. Oui. Ah bah oui. Ah, c'est pas de chance. On s'essayera deux fois avant d'appeler. Ah, ouais. Hein. Ah, ouais, c'est pas de chance. Oui, bon bah du coup Tara là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord un petit peu avec Anna? Est-ce que tu t'es rendu compte que t'étais peut-être un petit peu trop possessif pour rien? Non, je suis pas possessive, c'est ah, juste. Bah alors, que... alors Anna est une menteuse. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est juste que voilà, que Charlotte c'est une vraie pute et que tu lui as jamais parlé. Ah j'adore. Mais attends. Donc, voilà, elle traîne tout le temps avec elle et que après c'est pour elle. Moi franchement j'en ai rien à battre. Hein. Oh la rageuse, la meuf de base. Ouais. Non mais là t'es un peu en train de rager là parce que pourquoi c'est une tu l'as traité comment de sale pute ça. Tu la connais même pas, tu l'as jamais vue. Bah ouais mais bon excusez-moi déjà avec tout ce qui se dit sur elle. Ah qu'est-ce qui se dit dans le groupe? D'accord. Attends, c'est juste en fonction de ce qui se dit toi que tu gères. Si elle peut appeler, non, c'est au top. Non mais si c'est une salope franchement. Oh, est-ce que Charlotte, si juste, tu écoutes, appelle-nous. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se dit sur Charlotte? Ouais, qu'est-ce qui se dit sur Charlotte pour voir si ce qui se dit on est d'accord avec toi. Bah déjà bon, voilà, je vais le dire parce que voilà, mais tu sais ton ex là. Oh là là, là j'ai peur. Et ben, bah, il t'a trompé avec elle, hein. Mais ça, je sais. Mais il m'a dit que. Mais t'es. Non, tu mens, sérieux, tu mens. Attends, tu viens de dire, tu sais, il y a maintenant, tu viens de dire que je mens. Ouais, mais non, c'est pas possible. Non, mais je croyais qu'elle avait dit, il t'a trompé avec une fille, c'est pour ça que j'ai réalisé après, mais c'est pas possible. Ah, là, on a soulevé quelque chose, là. Ouais, on a soulevé un problème, là. Moi, je propose qu'on appelle Charlotte. Bon, mais Tara. Mais déjà, franchement, qu'est-ce que t'en sais, vu que tu lui parles jamais et c'est que, pas faux, et oui. T'avais pas suffisamment de contact avec lui. Anna marque un point, effectivement, non, ouais. Moi, je dis, il faut demander à Charlotte. Ouais, c'est vrai, mais attends, d'abord, explication, attends, justement. Bon, alors, Tara. Bah, Tara. Bah, moi, je pense pas, si c'est. Non, mais je sais que c'est. Non, mais. Ah, vrai, d'accord. Ouais, t'as lâché une bombe, là, hein. Non, mais attends, parce que. Tara. Il faut que tu répondes à Anna, c'est normal. C'est-à-dire qu'elle te dit, mais comment tu peux le savoir, puisque de toute façon, tu parles pas à cette meuf, à Charlotte. Mais non, mais que je lui parle pas, je vais pas parler à une connasse comme elle. Hein. Non, mais c'est pas le problème. Mais comment tu sais que le mec d'Anna l'aurait trompé avec Charlotte puisque tu ne lui parles pas? Mais parce qu'il y en a plein qui les ont vus ensemble. Hein. Ah. Ouais, mais ça veut rien dire. Polo, il traîne avec toi, c'est pas pour ça qu'ils sortent ensemble. Oh, quoi que. Mais Polo aimerait bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc. Bah, il y en a plein qui les ont mis ensemble et enfin, ils faisaient pas que sortir ensemble, quoi. Bon, Anna, c'est quoi le numéro de Charlotte? Mais le problème, c'est que là, elle est à l'étranger, ça va, elle est partie en vacances à La Réunion, donc je pense que vous allez avoir du mal, quoi. Bah non, tu lui donnes son numéro, après elle va décrocher, ça lui coûtera un peu d'argent, mais c'est pas grave. Non, parce qu'elle a pris son téléphone, justement. Oh, pop. Bah oui, si, mais... tu vas à La Réunion, t'as pas de numéro là-bas. Elle est à La Réunion, elle pouvait pas appeler à l'étranger, ses parents, ils ont pas voulu qu'elle prenne son téléphone. Bon, attends, parce qu'on est diffusé à La Réunion, alors à quoi elle ressemble cette Charlotte là? Si vous la voyez là, vous êtes à La Réunion, les Réunionnais, on a besoin de vous là. Si vous la voyez dans la rue là, hop là, vous la chopez, vous lui donnez le téléphone et puis vous nous appelez là. Bon, elle ressemble à quoi cette Charlotte? Elle est jolie apparemment, Tara, non? Elle est pas super jolie, mais on va dire que c'est le physique blonde avec 95 D ou F ou je sais pas combien là. Hey, ah ouais, mais t'as pas son numéro Anna, parce que nous on l'appelle quand on attend qu'elle revienne, alors oui, hein, on peut attendre un peu avant de la rappeler, on est pas dans l'urgence quoi. Si tu veux, elle peut revenir lundi, donc si tu veux, je peux essayer de voir avec elle, mais bon... Elle va pas revenir en France exprès, tu sais, elle va pas annuler ses vacances. Non, attends, je reviens, moi j'étais à La Réunion, je me faisais chier, donc je reviens. Là. Non, oui, surtout à La Réunion, oh là là, bah, c'est ça, chier, là-bas. C'est ça. Oh là là. Elle revient de vacances, elle est partie pendant un mois et elle revient lundi. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on essaiera de l'appeler lundi alors, Tara et Anna, là, on fait comme ça? D'accord. Ouais. Bah non, parce qu'il faut trouver une solution à ce problème. Moi je dis il faut laisser un droit de réponse à Charlotte, la pauvre. C'est vrai, c'est là, vrai. On vient de casser du sucre sur son dos. On il est vrai. On appelle le mec d'Anna. Voilà. Je veux dire, faut qu'elle puisse nous expliquer tout ce qui s'est passé et qu'on exactement. Puisse bon mieux la connaître quoi. Tout à fait. Ouais. Surtout son dé. Évidemment. Bon, Anna et Tara, on vous rappelle lundi, d'accord? Ok. Bon, on fait comme ça roule. Allez, gros bisous les filles. Gros bisous. Salut Cédric également. Merci à toi d'être passé. Merci. Eh ben je t'en prie Cédric, ciao à toi. On va revenir dans un instant avec Thomas qui a des excuses bidons là. Salut Thomas. Salut. Ça va? Salut. Ouais ça va. On parle excuses bidons dans un instant avec toi. Ça marche. Bon, bah reste là. Et puis les autres également, hein, si vous avez des excuses bidons. Qu'est-ce que vous avez déjà sorti comme excuse bidon? Genre quand vous êtes arrivé en retard au travail, au bahut, qu'est-ce qui a fonctionné comme les excuse également? Ça marche bien aussi. Ouais, les embouteillages, ça peut fonctionner également. Là, bah vous balancez tous les messages évidemment maintenant. Ça se passe sur le Facebook et Twitter, là. Facebook.com/MickaëlOfficiel et Twitter. Vous mettez le hashtag et Mickaël, sans oublier, bien entendu, le standard. Ça se passe là aussi au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0 pour la Belgique. Allez, bougez pas. Il y a le son de Showtek qui va arriver dans un instant. Ce sera Slow Down sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Tous les soirs. Fun Radio. 20h-23h, No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio. Là, allez balancer tous vos messages évidemment avec le match qui va commencer. Ça y est, le match qui va commencer ce soir. On va suivre ça évidemment dès qu'il se passe des buts. On va pas vous commenter toutes les actions évidemment. Mais dès qu'il y a des buts entre Belgique et France, ça se passe en Belgique, à Bruxelles pour être précis. Et d'ailleurs, il y a la vidéo de l'auditeur qui a gagné ses places hier dans l'émission, hein, qui est d'ailleurs actuellement à Bruxelles pour aller supporter a priori les Belges, hein, vu ce qu'il avait comme couleur sur le visage là. Je pense qu'il n'y a pas de doute, il y a pas de doute à mon avis là-dessus. Bon, on va se faire du son de Slow Down et Showtek maintenant sur Fun Radio. On aura Arnaud dans un instant avec les excuses bidons également. Là, t'es là, Arnaud? Ouais, je suis là. Ça va bien? Ça va, tranquille, et toi? Bon, ouais, t'as des bonnes excuses bidons à nous raconter dans un instant, toi? Ouais, j'en ai une bonne. Parfait, bon, bah tu bouges pas de là. On aura aussi Miko dans un instant là avec la colle. Et la colle, vous pouvez d'ailleurs y répondre aussi hein, gratuitement sur le Facebook, facebook.com/MickaëlOfficiel. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h et c'est le son de Showtek. Allez, bonne soirée sur Fun Radio, c'était Showtek à l'instant avec Slow Down. Là. Si vous kiffez ce style de musique, évidemment, découvert dans Party Fun, c'est Party Fun tout à l'heure à partir de 23h. Donc restez bien sur Fun Radio, les messages aussi qui sont arrivés à Chris notamment qui dit une excuse qui marche bien. Bah oui, parce qu'on était dans les excuses là. C'est panne de courant général dans le quartier, pas d'électricité, égale pas de réveil. Ouais Chris, mais c'est maintenant sur les... Déjà ça arrive rarement les coupures d'électricité dans les villes. Et puis en plus de ça, tu sais, t'as toujours en général des petites batteries sur les réveils. Donc ça te plombe ton délire en fait. Il y a Paul aussi qui dit super début de soirée, ça commence bien. Est-ce qu'il y aura le Saint-Pertoff ce soir? Amen. Bon, on verra. Hein. Là, je crois qu'il est au match là. Je crois qu'il est parti voir le match. Il peut pas être partout, ouais, c'est ça. Il est allé bénir le ballon. Génial. Et il y a Guillaume aussi sur le Facebook. Il dit une fille de ma classe a dit qu'elle avait mis du vernis, qu'elle a eu mal au crâne, qu'elle a pris un cachet et le cachet l'a endormi. Ok, bah on est ravis de l'apprendre. Je ne sais pas pourquoi ce message, mais on est ravis de l'apprendre. Cette information c'est drôle, est très c'est importante. C'est des excuses bidons. Oui, en fait, elle s'est endormie, hein. Elle s'est pas réveillée. Ah, oh, c'est ça cachet. L'excuse. Ouais, d'accord, ouais. J'avais pas capté. Ah ouais, ok, ouais, pourquoi pas. Tu regardes trop le match, Mickaël. Ouais, mais non, il est pas commencé. Ah, par contre, je regarde bien la pom pom girl. Ah ouais, elle était pas mal la pom pom girl. Denis aussi qui dit excuse en sixième, j'ai dû aider Superman à tuer Lex Luthor. Bah 2 heures de colle. Bah oui, mais ça, il y a un moment l'excuse. Comment tu veux que ça marche, un truc mais comme ça? Mais il y a un mec, quand j'étais au collège, tu sais ce qu'il a sorti? Il arrivait en retard en cours. Non. Le prof, tu vas prendre un mot d'excuse. Il dit, ah, ça va, j'étais aux toilettes. Il dit, non, c'est bon, tu vas, c'est bon, je suis parti chier. Il a sorti. Non, ça mérite pas un gage. Ça mérite un gage. Non. On va appeler Pedro tout à l'heure, là. Tu vas la répéter, ça mérite un gage. Appelle Pedro! Non, arrête, vous on appelle pas cool Pedro avec de moi, suite. Hein. Pedro, donc directeur d'antenne de la radio, je vais l'appeler de ce pas. En plus, il écoute pas l'émission, donc. Mais arrête. Ouais, mais justement, il a peut-être une vie, tu vois. Non, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Non, il a pas de vie, Pedro. Putain, en plus, l'autre, il a 150 numéros, là. Je sais pas lequel on va appeler. En plus, Sandra pensait nous faire plaisir. Elle s'est préparée, ça fait 10 minutes qu'elle prépare sa vie. C'est depuis le début là. Mais non, mais parce qu'aujourd'hui je rigole pour rien aussi. Ah ouais, mais ça on l'a vu. Hein. Attends, on appelle Pedro là. On appelle Pedro, directeur antenne de la radio. Arrête. Non, on sait bien que t'as picolé avec ton nouveau mec ce matin. Et t'as fumé un truc. Ah ouais, t'as picolé avec son nouveau mec. Elle allait boire des coups avant l'émission. C'est très bien quand même faire. Voilà. Oh putain. Allez Pedro là. Allez là. Mais je t'avais dit qu'il avait. Non Pedro. À la fin de votre message, vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais Pedro, c'est Mickaël, on est en direct à la radio et il y a Sandro qui méritait un gage, je voulais ton avis pour être sûr. Voilà, mais Pedro, bon, tu sais qui est ton numéro maintenant. Ouais, bah refais-moi un petit, il a plein des numéros, t'inquiète pas. Refais-moi un petit iMessage là qu'on puisse en parler sérieusement là. Bon bah j'attends ton appel. Et qu'est-ce qu'il fait? Je lui demande pourquoi il est pas au standard. C'est dingue ça. Non, donc il est Michael est en train de l'engueuler son boss quand même. Exactement, oui. Bon, allez hop, donc est-ce qu'à votre avis ça méritait un gage, son histoire en bois là? Non, arrêtez les gars. Bah, si, un petit gage. Et Coolio, ça mérite. Ouais, bon, enfin, on vous expliquera cette histoire là tout à l'heure. Ça, c'est private joke, ça s'est passé dans le bureau là. Bon, ça va pas être drôle. Si. On vous expliquera ça tout à l'heure, c'est pas un problème. Il y a Wendy là, tiens, qui est sur le Twitter, qui dit si, Sandro, ça mérite un gage. Ah ah, t'as vu? Ça mérite des gages. Voilà. Donc, dites-nous les autres, hein, twitter.com, là, vous mettez le hashtag et Mickaël. Est-ce que ça mérite un gage ou pas? Jus qui dit ouais, ça mérite un gage. Ben, ouais, et ouais, je rappelle que, Sandro, il est passé au gage, là, il y a pas longtemps, elle avait raconté une histoire, puante. Et donc, du coup, ben, voilà, il y a Pedro, elle avait dû être sanctionné. Voilà, le directeur antenne de Fun qui lui avait, mis un gage, c'était hier soir, donc, non, avant-hier. Ouais. Je me souviens plus, mais non, c'était avant-hier. Non, c'était hier soir. Non, mardi, mercredi. Non, c'était lundi. C'était lundi, voilà. Donc, voilà, comme ça, pour ceux qui était pas là. Bon, Thomas, qui est de retour là avec les excuses bidon. T'es là, Thomas? Je suis là. T'as entendu l'histoire de Sandro? Ouais, bah ça mérite un gros gage. Ok, d'accord. Ouais, mais voilà. Ok, très bien. Ça se fait pas, les gars. Mais si, attends, mais ils ont raison. C'est bon, vous auriez pu rigoler quand même. Non, ils ont raison. Je suis désolé, ils ont raison. Mais bon, ouais. Alors, c'est quoi ton excuse bidon, toi? Parce qu'on en avait parlé au début d'émission, les meilleures excuses, les plus bidon, justement, tiens, pour arriver en retard au boulot, arriver en retard au bahut. On t'écoute. Bah au boulot jamais, mais au bahut, en fait, moi, ça fait 2 ans que j'ai le permis et une fois par an, je crève. Tu crèves. Ah, le pneu. Bah oui. Ah ouais, mais ça, c'est quand on met des marques de merde, hein, c'est ce que t'as qu'à lui dire. Ça, hein, si vous me payez plus, j'aurais eu l'occasion d'acheter des Michelin. Là, malheureusement, j'ai dû mettre une marque en bois, donc C'est ça. Et genre, dernière fois, la tienne, elle me sort, t'as bien les mains propres pour quelqu'un qui a crevé. Et j'ai répondu, ouais, j'ai des gants, madame. Ah bah c'est bien, alors, moi, monte en cours, ça part en retard, alors. Ah, ça va, elle a gobé directement, toi, t'as eu du bol. Ou sinon, il y a un autre truc, c'est en fait, faut rentrer en loose day dans le bureau où il y a les pions et regarder s'il y a le cahier de texte de sa classe, comme ça au moins on monte avec et on a une excuse d'être à la bourre. Ouais, mais il est pris avant, normalement. Alors, en général, il est pris avant, ouais. Bah, ça dépend. Bah oui, si oui. La personne qui est responsable, il pense pas. Ah, oui. Non, ouais, c'est vrai, mais enfin, il faut quand même déjà beaucoup de chance, hein, pour le coup, hein. Ah, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Ah bon? Ouais, il y en a qui ont du bol, hein. Ah, putain. Ah non, c'est pas mal. Attends, il y a aussi Arnaud qui est avec nous, là, de Reims. Salut, Arnaud. Salut. Comment va? Ça va, tranquille. Bon, n'oublie pas de nous envoyer une petite bouteille à l'occasion, hein. Non, mais je dis ça après. Bon, alors Arnaud, c'est quoi ton excuse bidon, toi? Moi, c'est de me faire arrêter par les flics à chaque fois. Ah ouais, c'est ça, t'as une tête qui leur revient pas et chaque fois genre, t'arrives en retard et tu dis, ah bah ouais, mais je me suis fait gauler par les flics, etc. Voilà, il y a eu un contrôle sur la route et du coup, bah le retard. Ah ouais, pas ça mal. Ça marche à tous les coups. Non, bah tous les coups, je sais pas, mais. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, il y a eu un contrôle. Non, mais d'accord, mais tu sais, il y a un moment, tu peux pas arriver en retard genre 10 fois par an et 10 fois par an, il y a un contrôle. Bah, tu sais, c'est le gueule, un délit de faciès. Il y a toujours des contrôles en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a souvent des contrôles, hein, ça je dis pas le contraire. Mais de là à balancer tout le temps, moi je peux même pas vous donner une excuse. Je n'arrive jamais en retard. Oui, et puis de toute façon tu n'as jamais besoin d'excuses, tu es tellement parfait. Exactement. Voilà. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, moi. Oh la tuceuse. Oh là là. Elle veut pas s'engager. Ah ouais, elle veut pas s'engager, mais elle l'aura. T'inquiète pas, ça change rien. Mais rappelons que quand même le spécialiste du baratinage, de toute l'embrouille qui de tous les mensonges, c'est Tov quand même. C'est vrai. C'est lui champion du monde du retard. Bah oui, exactement. Et du retard, oui. Alors Tov, lui, c'est. Le retard, ça a été combien de temps à Tov, hein? Il m'a fait une heure. Bah, d'ailleurs, il est en retard. Ah non, une heure, c'est habituel. Hein. Non. Ça se compte en jour avec lui maintenant. Non, ça se compte franchement. Ça, j'ai déjà failli une meuf, j'ai oublié une journée. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne même pas. Le gars, il a un jour de retard. Je suis arrivé le lendemain en faisant comme si de rien n'était. Sans déconner. C'est vrai. Bah non, dis donc. Bah t'es en retard, non mais c'était hier, ouais c'est ça, et arrête un peu ton cinéma là. C'est, il retourne le truc en disant mais t'étais tellement impatiente de me voir, en fait t'es venu avec 24 heures d'avance. Mais le problème c'est que les meufs, elles disent ah bon bah d'accord. Ouais mais c'est normal qu'elle lui devient con. Sans déconner. Et quoi d'autre comme retard, Arnaud et Thomas là, vous avez sorti des excuses à la con en plus de celle-là là? Non, mais j'ai une pote qui m'écoute sur Fun, qui vient de sortir. Moi aussi, je l'ai fait à l'IUT, mais je me suis dégueulassé les mains pour que ça passe mieux. Ah bah exactement, mais tu vois, c'est la différence. Tu passes dans le parking, tu te frottes les mains sur un pneu, c'est bon. Ouais, il y a, voilà, y, a, ouais. Il y a Kia qui dit j'ai aussi une bonne excuse. Là, mon lit est possessif. Il n'a pas voulu me laisser partir ce matin. Ouais, ouais, c'est drôle, mais ça marche pas en général. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi Non, pas de gage pour Sandro. Je vais noter ton nom. Je vais t'envoyer des places de cinéma. N'importe quoi. Si, si, bien sûr qu'on va faire un gage. T'inquiète pas. Moi, un jour, j'ai croisé un gars baraqué, tout balafré. J'ai fait un grand détour pour l'éviter. Ça marche pas. Ouais, bah oui, oui, oui, bah oui. C'est quoi cette excuse en bois là, sans déconner? Bah non, pas du tout. Ça peut pas fonctionner ce genre de truc. Il y avait quoi aussi comme comme excuses à la con qui sont arrivées là? Où est-ce qu'il est? Bah de nouveau pareil hein, par rapport à la coupure de courant. Ouais, mais ça marche qu'à moitié ça, la coupure de courant. Hein. Si vous êtes dans un petit village, ouais, éventuellement. Mais bon, bah merci Arnaud et Thomas en tout cas d'être passés là. De rien. Et vous revenez quand vous voulez hein. Ça marche. C'est moi-même de gérer quelque chose ou quoi? Ouais, ouais, j'ai des places de ciné à vous filer ce soir si vous voulez, là, Thomas et Arnaud. Ça, c'est là. Bien, ça. Avec grand plaisir. Salut, salut à vous deux. Salut, bonne soirée. Allez, ciao, ciao Thomas, ciao Arnaud. Il y a Julien qui est là également. Salut Julien. Ouais. Ça va? Ça va, ça va. Bon, tranquille. Alors, c'est quoi toi ton excuse la plus bidonne là, d'Avignon? Eh ben, je suis arrivé au collège et j'ai dit que mon chien s'était noyé dans la piscine. Ah, et le problème, c'est qu'il faut avoir une piscine, hein. Accessoirement, c'est mieux, là, mais. Mais à Avignon, ça passe bien. Ouais, Avignon, ça va, ouais. Mais quoi, j'ai dit qu'il nous avait niqué le liner aussi. Le quoi? Le liner. C'est quoi? C'est le fond c'est de la piscine. La bâche qu'on met dans la piscine. Ah, d'accord, ok. Ouais, désolé, j'ai pas de piscine, hein. Je connais pas très bien tous les petits mots, de gens qui ont une piscine, mais bon. Et donc, du coup, ça a fonctionné, ça, le chien est noyé. Ouais, ça a marché. Puis le lendemain, il arrive, tu sais, avec la main pétée, là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mon chien m'a mordu. Encore, tu peux te sauver si t'es un peu de répartie en disant, ouais, mais on a eu un autre chien, tout ça, etc. Ouais, mais c'est un voisin, connard. C'est le voisin. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme les gens qui te balancent, ma grand-mère est décédée, mon arrière-grand-mère est... Et puis tu sais, genre, le problème, c'est que comme ils oublient leur mytho, un an après, ouais, mais écoute, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, mais elle est pas décédée. Mais une autre. Mais comme t'as déjà utilisé les deux, bah forcément après t'as plus de joker. Enfin, et après, le problème c'est qu'il y en a qui se perdent dans leur mytho totalement. Et donc du coup, bah il y a un moment, ça, il faut noter hein, quand vous faites des conneries comme ça. Bah oui, Facebook et surtout aujourd'hui avec Facebook et Instagram, faut faire attention quoi. Ouais. Et quand vous avez des problèmes comme ça, et genre soi-disant des décès dans la famille, faites ça avec des gens qui sont déjà décédés. Ouais. Parce que le jour où ça arrive vraiment, par contre, t'es dans la merde entre guillemets, tu vois. Enfin, si j'avais dû écrire tous les mythos que j'ai fait, je serais déjà au 8e ou 9e tome. Oui, non, mais d'accord, mais toi c'est différent. Ah, bon, d'accord. Bah très bien. Et donc Julien, et donc ça a marché. D'autres mythos éventuellement? Oui, j'ai dit aussi que il y a une voiture qui s'était renversée devant moi et que j'étais resté avec la personne le temps que les pompiers arrivent. Oh comme il est bon. Ouais, ça je l'ai fait aussi. Oh, comme il est bon, comme il est gentil, quel waouh. Et du coup, t'arrives en héros et tout, comme si t'avais sauvé quelqu'un, alors que pas du tout, tu t'es juste pas levé, quoi. Exactement, exactement, ouais. Ah, c'est beau, franchement, c'est beau. Ça, évidemment, c'est passé, t'es passé pour un héros. Eh oui, oui. Ouais, grave. C'était le jour du brevet. En plus, c'est le mec. En plus, le mec, il a pas peur du tout, et ça, c'est bien, ouais. Bon, bah, très bien, Julia. Bah, merci à toi d'être passé, en tout cas. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Je voudrais faire une dédicace à ma copine. Eh ben voilà, c'est fait. Comme ça, le message est passé. Je t'en prie. Allez. Salut, Julien, et à bientôt, Julien. Ciao à toi. Bon, et hop, on appelle Pedro, là, maintenant, là, le directeur d'antenne, par rapport au gage de Sandro. Hein. Tous les auditeurs sont quasiment unanimes. Hein. Il faut le gage. Hein. C'était nul, Sandro, la pauvre, c'était nul, mais pas autant que Toff. Et c'est blague pourrie, c'est vrai. Sandro mérite un gage. Pas de gage, Toff. Hein. Toff, tu veux pas le quitter? Quitte-le. Attends. La rupture. Non, mais il est sérieux là, qu'il va nous pas me décrocher, pas décrocher. Il vient de m'envoyer un message, il me dit c'est bon. Ouais, mais t'appelles sur le bon numéro? Bah oui, le numéro avec lequel il m'a écrit. Allô? Ah, Pedro? Oui. Ah, très bien, Pedro, c'est nickel. Je suis trop déçu de ce que tu m'as fait. Franchement, ça se fait pas. Non, arrête, c'est pas la rupture. Après, tout ce qu'on a partagé. Toff, c'est pas la rupture. Ah, pardon. Par contre, tu peux faire le jeu, je t'emmerde. C'est vrai? Non, Pedro, t'as pas écouté la radio là, t'as dit que t'écoutais pas ce soir, hein. Non, j'écoute pas du tout ce soir. Parfait. Bah alors en fait, enfin parfait, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, Pedro, bien sûr. Mais il y a Sandro qui a refait la. Non, non, j'ai pas. Elle a de nouveau lancé un truc. Si on s'attendait à faire notre soirée là-dessus. Alors c'était quoi? Je me souviens plus des mots. C'était un pote à l'école. Il est monté. Il a dit ouais, voilà, je peux pas. Je t'ai coupé. J'étais aux toilettes. Le prof il a fait non, vas-y, va chercher, va en colle. Et puis il a dit bah vas-y, c'est bon. Je suis parti chier. Voilà. Et il a rigolé. Et c'est tout. En plus, il s'est retenu. Pedro, voilà. T'as commencé à rigoler, tu t'es retenu. Non, mais t'entends le silence autour de moi. J'ai mis le haut-parleur et personne n'a rigolé dans la tête. Voilà. Donc, moralité, un gage, quoi. Ça va être obligatoire. Alors, on n'a pas le choix. Non, Pedro, arrête. Je soupçonne Sandro de le faire exprès. Oui, j'ai l'impression. Je soupçonne et je. Elle kiffe. Tu sais quoi? Et bien justement, vas-y. Je le fais exprès. Donc moi, je serais toi, je me donnerais pas de gage. Ouais. Juste pour m'énerver, tu vois. Et je vais rager de ouf. Hein. C'est quoi, j'ai pas encore une idée de gage là, tout de suite. Mais... Si tu me laisses 10 minutes, j'ai le temps de faire un consulting dans la pièce où je suis avec les pas amis. Pas de problème. Non, s'il vous plaît, Pedro, arrête. Non, on va bien réfléchir. Non, mais très bien. Ça se fait pas. Non, mais bah, c'est parfait, c'est une bonne idée. Ouais, attends, je coupe Sandro, comme ça on est tranquille. Donc, non, c'est très très bien, Pedro. Bah, on te rappelle d'ici une petite dizaine de minutes, le temps que tu réfléchisses, quoi. Très bien, on fait comme roule. Ça. Ça roule. Bon, bah, tout de suite, impeccable. Bon, bah, le match a démarré, là, depuis 5 minutes, là. 0-0, évidemment, pour l'instant. On vous tient au jus, bien entendu. Je rappelle qu'il y a toujours les pronostics, hein, pour le match de soir à faire, là, maintenant, sur le Facebook. Facebook.com/MIKL officiel, si vous voulez tenter de gagner un iPod Nano, le dernière génération, ou alors le casque qu'on vous file, hein, le casque de DJ. Si vous avez le bon pronostic du match ce soir, la Belgique-France, eh bien, allez tout simplement balancer ce pronostic sur Facebook.com/MIKL officiel. On aura aussi dans un instant, eh ben, maintenant, tiens, Miko qui est avec nous là pour la colle. T'es là, Miko ? Je suis là, ouais. Très bien. Alors, Miko, donc, de Carcassonne, et fais péter la colle, puisque là aussi, tu vas pouvoir repartir peut-être avec cet iPod Nano ou ce casque de DJ. Hein. On t'écoute. La colle est, quelle est la différence entre un distributeur de billets et une prostituée ? Bon, il y a Noam qui proposait aucun et ça roule. Non ? Non. Bon, il y a Max qui proposait qu'elle reçoit de l'argent. Non. Ludo qui proposait la pute a du liquide. Oh, classe. Encore moins. Bon, Steven qui dit le distributeur sert à la payer. Non. Non, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a Gaël qui dit il faut pas se tromper de fenêtre. Non plus. Bon, d'accord. Bon, bah très bien. Bah, si vous avez la bonne réponse, on fait le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Là, j'ai mis le post sur le Facebook. Vous pouvez aller répondre à tout ça, bien évidemment. Là, facebook.com/MIKL officiel. Vous allez pouvoir aussi peut-être repartir avec votre iPod Nano ou votre casque de DJ. Bon, bah tu restes avec nous, Miko. Oui, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas pour parfait. Ça. Parfait. Ah, ben, il y a Alex qui est de retour, tiens, le barbecue, là. Salut, Alex. Ah, ça a été le barbecue. C'est bon. Et je peux vous dire aussi que j'ai gardé un peu le viol pour vous. T'as regardé quoi? J'ai regardé un peu de viol. Ah, cool. Les brochettes. Ah, ben, parfait. Ah, ben, alors, quand est-ce qu'on peut passer les prendre, alors? Je sais pas. Tu les mets par la poste? Oui, bien sûr. Bah, oui, oui, tu le mets dans un. Le paquet contiendra tout le créé. Ouais, d'accord. Okay. Et alors, t'as écouté les problèmes là dont on a parlé ce soir ou pas ? Non, pas trop là. Je reviens juste de manger en fait. Non mais Alex, on m'a dit que t'étais un fil de l'émission et tout. T'écoutes pas ? Si j'écoute, j'écoute. Bah donc si, t'as écouté là de quoi on a parlé ? Deux jours. En fait, j'écoute depuis deux jours. Ah après. Deux jours. Bah sois le bienvenu, Alex. C'est bien. Merci. Bon, ben on te reprend tout à l'heure. On va parler avec Eric dans un instant. Donc, là. Maintenant, vous me reprenez là. Non mais tu restes dans le standard. On va juste se mettre un peu de pub et on vient juste après. D'accord, pas de problème. D'accord. Non, parce qu'en fait, je peux rester. Ouais, tu peux rester. Ouais. Pas de problème. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, on vient d'avoir les annonceurs au téléphone parce que normalement il y avait pas de pub et comme ils ont tous entendu que t'étais passé et que t'allais revenir maintenant, ils ont dit, ils ont payé beaucoup plus cher la radio parce qu'ils voulaient mettre de la pub maintenant. T'as vu un peu, c'est grâce à toi ça. Attends, c'est la folie. Attends, tu te rends pas compte, c'est génial. T'es sérieux là, t'es sérieux. Bah, attends, grave. Évidemment, Alex. Ils ont dit Alex, c'est juste énorme. Donc on veut mettre de la pub maintenant et on paye trois fois le prix. Alors on sérieux a dit d'accord. Mais bah oui, sérieux. Ouais, c'est pas du mytho là. Mais non, c'est pas du mytho. Enfin, est-ce que j'ai l'habitude de mentir, Alex, t'es sérieux là? Je te crois, vas-y, je te crois. Eh ben, j'espère bien que tu me crois là. Oui, quand même. Donc grâce à moi, j'ai gagné un peu plus de sous. Bah moi, bah, ouais, mais le patron de la radio, ouais, lui, il est content par contre. Hein. Ah bah ouais. Bon. Ouais, mais tu lui enverras ta facture. Hein, ouais, t'enverras ta facture. Hein, t'en as rien à foutre, de toute façon, il est blindé. Envoie-lui de la viande. Bah oui, voilà, ouais, tu lui envoies de la viande, tu lui envoies la brochette. Il sera content. Quelle adresse? Ah bah 20 rue Bayard. C'est où ça? Bah c'est à Paris. Donc Paris, voilà, tu lui envoies la brochette. La brochette et le chèque. Tu lui envoies. D'accord. D'accord. Bon, on fait ça. Bon Alex, on va s'écouter dans un instant ce travail. D'accord. Pas de problème. Bien. Est-ce que aussi tu pourrais diffuser du est-ce que t'as toi David serait fils de Fit Cool parce que ah, ouais. Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est une David Stratfield, c'est cool, partie hard. C'est quelle langue? C'est en anglais, quoi. Mais on trouve ça où, en Pologne? Non, c'est sur YouTube que j'ai trouvé ce musique que j'aime bien. Et alors, c'est quoi? David Stratfield, c'est cool, partie hard. Bah, c'est génial, mais justement, tu sais quoi, moi je le kiffais, ça fait des semaines là que je suis en train de le demander, là, de la Vichelin, des Skinhead, play hard. David Stratfield. Mais c'est génial. Bon écoute, on va diffuser Stromae dans un instant, d'accord? D'accord. Allez, à tout de suite. Un truc à dire. Mikael, appelez Mikael. No limit. 01 42 48 5000. Mikael, attendez la suite. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment. Le match qui se passe là, dites-nous hein, quand il se passe quelque chose là, vous nous tweetez ça sur le Twitter évidemment. Hashtag et Mickaël, dès qu'il se passe quelque chose sur le match là, si vous avez un écran géant, parce que nous on a un tout petit là. Et puis dites-nous aussi la mademoiselle, quel est le joueur que vous préférez, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans l'équipe de France, bien évidemment, genre Benzema. Bon, Ribéry, je propose pas hein, parce que il est vraiment trop beau gosse. Ouais. Attends, moi je le kiffe. Ah, il a quand même une tête un peu bizarre hein. Ou alors genre Eden Hazard là, chez les Diables Rouges en Belgique là. Lequel vous le trouvez le plus beau, la mademoiselle là? Balancez bien ça sur le hashtag Mickaël, sur Twitter et sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Justement, on va se faire dans quelques instants le retour avec Alex évidemment, qui a son mot à dire, surtout Carole pour les excuses bidonnes. Et puis on s'écoute justement un belge, tiens, maintenant c'est Stromae dans un instant sur Fun Radio. Je vous mettrai le nouveau son de Stromae aussi avec Moulfrit là dans quelques minutes. Et là c'est Papa Outé maintenant sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 23h. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Stromae sur Fun avec Papa Outé. Et je vous ai demandé aussi tout à l'heure là si vous aviez un sur le terrain là entre Belgique et France ce soir, un des joueurs là, il y en a 22 là, lequel vous trouvez le plus sexy les filles là. Il y a Jonathan qui dit à peine arrivé, tranche de rire avec Mickaël, Etoff, Polo et Sandro. Bah merci Jonathan sur le Twitter. Shannon qui dit le plus beau c'est Pocognoli. C'est pas non plus la folie hein Shannon. Let's Be Freaks qui dit Valbuena il est sexy. Ah il est petit, bah là maintenant il est beaucoup moins sexy parce qu'il vient de se prendre un coup de boule. Donc c'est à dire qu'il est pissé du sang partout, donc il est beaucoup moins sexy quand même hein. Donc dites-nous les autres là. Toi Sandro, il y en a un que tu aimes bien? Je vois pas leur tête en fait. Franck Ribéry. Non, je vois pas leur tête. Non mais tu vois bien à quoi il ressemble Franck Ribéry. Ribéry, je connais, ouais. C'est celui qui a les yeux à ouais, gauche, mais je tu vois. Je suis pas prononcé là-dessus pour l'instant. Non, mais je te demande. Non, le front à droite. Je regarde. Ouais. C'est un Picasso en fait. C'est un peu ça, ouais, il est de travers effectivement, ouais. Donc pas d'idée alors. On va mettre les photos. Bah oui, mais vas-y, mets les photos, mais je vais regarder les mecs à quoi ils ressemblent. Ah oui, bon. Je vais pouvoir me caresser. Et on reprendra Pedro dans un instant, le directeur d'antenne, qui apparemment a un gage pour Sandro. Bon, Alex. Oui. C'est lequel tu trouves le plus mignon, toi, l'équipe de France ou les Diables Rouges en Belgique? Moi, j'aime bien aussi Franck Ribéry. Ça m'étonne pas, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Ribéry. Pour ceux mais qui viennent de débarquer, moi, donc. Moi, dans ma chambre, je suis le foot, hein. Je suis le match. Mais t'as la télé, là? Ouais, j'ai la télé dans ma chambre. Mais attention, parce que la télé et la radio allumées en même temps, ça peut être dangereux, hein. Non, mais c'est pas la radio, là, je suis dans ma chambre. Oh, ouais, mais et je dis. Le PC, il est en bas. D'accord, ok, non, mais très bien. Bon, donc toi, c'est Ribéry, alors. Ouais, bon. Ribéry oui, aussi, voilà. Et tu fais des aussi. Cauchemars ou pas la nuit? Non. Non. C'est bien. C'est très drôle. Bah non, je demande. Hey, je demande, reste calme, Alex. Ah oui, le choix est difficile. Bah ouais. Ah ouais, bon. Il va y avoir un but peut-être d'un joueur. Un but d'un joueur. Eh oui, c'est pas mal. Ouais. Tu sais que tu devrais être commentateur sportif, Alex. Non, mais attends. Non. Allez, il va pas y avoir de but les bleus, pour l'instant. C'est la Belgique. Ouais, les bleus c'est la Belgique et les rouges c'est le Congo. Voilà. Mais oui, les Diables Rouges c'est en Belgique. Et pourquoi tu crois qu'on appelle les bleus? Les bleus, tu vois, c'est oui, l'équipe de France. C'est la France, oui. Bah, voilà. C'est parce que sinon on les appellerait les rouges, on serait pas chier depuis le début, tu vois. Voilà, donc les bleus, l'équipe de France, la France, oui. Les Diables Rouges, donc les rouges, l'équipe. Oui. L'équipe? Quelle équipe oui. En rouge? La Suède. Voilà. Oh, bravo, eh ben, tu vois quand tu veux là. Puisque ce soir c'est Suède France. Non, c'est Belgique France. Ah ben les bleus voilà. c'est les Français et les rouges c'est les Belges. Les bleus c'est les Belges et les rouges c'est les Français. Tu mélanges tout, Alex. C'est une mauvaise mémoire. Hein. Les bleus. Je comprends pas bien là en fait. Bon, c'est pas grave, Alex. T'inquiète pas. C'est pas grave. Bon, t'inquiète pas. Il y a Carole là, qui est avec nous là, qui nous parlait des excuses bidons là, la Bordelaise. Bonsoir la Bordelaise. Bonsoir. Comment ça va? Non. Bah quoi, tu me dis bonsoir, moi je dis bonsoir. Bah oui. Ah bon, très bien. Bon, alors comment va Bordeaux? Apparemment ça va. Il est bon. Calmé. Tant mieux. Hein. Alors, toi tu veux nous parler des pires excuses ou des meilleures excuses, ça dépend de quel côté on se place évidemment. Celle qui marche. Ah, celle qui marche. Voilà, on était impatients puisqu'on a vu une enquête là qui disait que apparemment le genre mon réveil s'est arrêté. Malheureusement, il n'a pas sonné. Je me suis levé en retard, etc. C'était le top des excuses les plus données. Et toi? Les enfants. Les enfants, c'est-à-dire à quel niveau? Style, elle a fait un caprice et donc je suis en retard parce qu'il a fallu que je l'emmène à l'école et que voilà. Ouais. Il a fallu que je signe un mot au dernier moment, donc je suis en retard. Ouais. Donc voilà, parce que ça m'a énervé, donc forcément je suis en retard. Et comme j'ai des collègues assez sympathisants pour et qui comprennent quoi, ça passe à chaque fois, donc je suis en retard de un quart d'heure, 20 minutes. À chaque fois c'est sur la gueule des enfants. C'est dégueulasse, ouais, les pauvres, alors qu'ils sont là, ils sont à l'école, ils sont bien. Ouais. Des bons élèves et tout, et à chaque fois t'imagines un jour tes enfants ils sont nickel et un jour ils vont rencontrer leur, des amis à toi, des collègues à toi, c'est à cause d'eux que t'es toujours en retard, alors que oui, on va se dire bah quoi, je comprends pas, nous on a rien fait maman, alors que c'est des enfants modèles. Exactement, ouais, jusqu'au jour où, mais bon, jusqu'à présent ça passe. Et de toute façon, je suis la plus jeune à mon travail, donc après, il n'y a pas de raison que les autres ouais, ils ont utilisé les mêmes excuses avec les enfants depuis bien longtemps, quoi. Sûrement, oui. Attends une seconde. C'est fini, oui. Ils sont tous les deux là, en train de regarder les joueurs de foot, là. C'est un truc de ouf. Et elle glousse. Oh, celui-là, il est mignon. C'est dingue. Et Carole, ouais. Toi, c'est quoi les joueurs de l'équipe de France ou des Diables Rouges que tu préfères? Alors, honnêtement, j'y connais rien. Non mais t'en connais quand même, genre Karim Benzema, tu connais? Eden Hazard? Enfin, lui j'en ai entendu parler parce qu'on en a entendu parler à la télé et tout, mais après autrement, voilà quoi. D'accord. Et après, En excuse, vas-y, continue. Non, en excuse, alors après j'ai... en excuse bidon, j'ai quoi? Ben je sais plus. D'accord, mais, c'est bien aussi comme excuse ça. Ah si, j'ai oublié mes clés parce que je suis la première arrivée à mon travail. Ouais. Toi t'as oublié les clés, les gens ils rentrent comment? Ben après il y a des... Mais moi je commence normalement à 8h30. Donc les trois quarts du temps j'arrive soit à 9h moins 5, moins 10, soit à 9h. Et quand j'ai vraiment oublié mes clés, ben je m'assois par terre et j'attends. Ah ouais, t'es une bonne toi Carole, hein? Dans la série je fous rien là, je pense que avec Carole on pourrait bien s'entendre, hein. Ah ouais, franchement, ouais. On pourrait se raconter des histoires toute la nuit. Grave, putain, entre les deux mythos là. Ouais, vas-y, dis donc Carole. Nickel. Hors ligne, je vous dirai un truc et vous comprendrez où je travaille. D'accord, bah écoute, avec plaisir Carole, comme ça tu nous liras ça en antenne et nous on répétera tout après. Non, faut pas, c'est du privé. Non mais je plaisante Carole, t'inquiète pas, pas de problème. Bon, il y a Ben qui dit, il est excellent le gamin là, bah oui, et Kia aussi qui dit, je fais pareil avec mon fils, il est malade, je peux pas venir travailler, etc. Alors qu'il est déposé à l'école. Non. Malade, non. D'accord, alors okay. Là, j'ai un minimum de respect quand même pour moi-même et pour mes filles. Ah bah oui, ça va un minimum quand même, quoi. Non mais c'est vrai. Non mais t'as raison. Non, quand même, ça se fait pas. Très bien. Bon bah écoute, merci Carole en tout cas d'être passée ce soir. Oui. D'accord. Je te fais des bisous. À bientôt. Salut à toi. Ciao. Bye bye. Bon, Carole, à bientôt. Et puis on va prendre dans quelques instants, Miko encore une fois. Bon, Sandro, c'est lequel que tu préfères, alors l'équipe de France, alors, ou les Diables Rouges? Il y a Mathieu. Valbuena. Non. Mathieu quoi? Debuchy. Ah, Debuchy, ouais, d'accord, ça c'est en Belgique, ouais. Pas en Belgique, c'est équipe de France. On a tapé équipe de France. Bah oui, mais je t'ai dit, entre les deux, lesquels tu préfères? Bah attends, on est sur l'équipe de France, on a pas le temps de faire les belges encore. Bon bah très bien. Parce qu'on tape le blaze, il y a le nom, il y a la photo portrait qui sort. Mais après, on tape pour avoir le torse aussi. Non mais t'es sérieuse, regarde juste la tranchée des footballeurs, c'est pas des... Ils sont pas grands. Mais ça se juge sur un ensemble. Quand tu passes ton permis, tu passes le code et la conduite. Arrête ton cinéma, on va prendre Pedro dans un instant. Tu vas voir pour le gage là de ce soir là. Bon, alors du coup, allez-y, dites-nous là, vous les filles, lequel vous préférez, ou les hommes qui aiment les hommes, hein, vous pouvez jouer aussi. Jouer, c'est pas un jeu, mais bon, donnez votre avis en tout cas, lequel vous préférez dans l'équipe de France ou dans les Diables Rouges. Quel joueur vous préférez physiquement, lequel est le mieux, etc. Vous tapez le hashtag MIKL sur Twitter ou tout simplement sur le Facebook, facebook.com/MIKLOfficiel. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi miser sur le match là, quel sera le score final du match. Si vous avez le bon score et que vous êtes tiré au sort, vous repartez avec un iPod Nano ou alors tout simplement avec le casque de DJ. Voilà, donc à vous de jouer maintenant, facebook.com/MIKLOfficiel. Retour avec Miko, là vite fait avant de donner la réponse. Miko, toujours là? Toujours là, ouais. Parfait. Alors, Nico, vas-y, répète la colle de ce soir, là. Donc, la colle, c'est quelle est la différence entre un distributeur de billets et une prostituée? Quelle est la différence entre un distributeur de billets et une prostituée? Oui. Très bien. Il y a Ilan qui dit la prostituée pue du cul. Oh, classe, Ilan. N'importe quoi. Voilà. Surtout, je vois pas le rapport avec le distributeur, hein, pour le coup, là, effectivement. C'est ouais. gratuit, c'est ouais, juste. C'est gratuit, dire, ouais, ça, ouais. C'est totalement gratuit. Bon, si vous avez la bonne réponse, facebook.com/michaelofficiel, tous les jeux, c'est gratuit, hein. Vous pouvez, voilà, vous perdez rien, quoi. Vous participez. Si vous perdez, bah, vous perdez. Et puis, si vous gagnez, bah, c'est jackpot, pour le coup. Bon, bah, très bien. Répète encore un coup, Miko. Quelle est la différence entre un distributeur de billets et ouais. une prostituée? Très bien. Allez-y, bonne chance. facebook.com/michaelofficiel ou alors le hashtag est Michael. À tout à l'heure, Nico. C'est parti. Allez, on aura Eric dans un instant également. Là, Eric, t'es là? Oui, je suis là, ouais. Bon, on va parler de quoi avec toi? Eh ben, moi, j'ai un gros problème avec le Linux famille, qu'elle me doit de la thune. D'accord. Ben, on en parle dans un instant après Sean Paul, d'accord? Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Other Side of Love sur Fun Radio. Et tenez-nous au courant du match hein, ce soir. Là, je compte sur vous, évidemment. C'est Sean Paul maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée. Maybe you don't have to keep looking through my phone if you'd already know. C'est Fun Radio et Sean Paul à l'instant. C'était Other Side of Love. Et puis restez là aussi tout à l'heure. Je vous cale aussi le son d'Axwell. Encore un son découvert dans Party Fun, là, Axwell avec Center of the Universe. Et je vous calerai aussi Snow. J'allais dire Snowheads, là, n'importe quoi. C'était Motonheads avec Snow White. Mais qui mélange les phrases, là, enfin les mots. Voilà, Motonheads avec Snow White, je vous le cale tout à l'heure aussi sur Fun Radio avant 23h, l'heure à laquelle vous retrouverez évidemment Party Fun pour commencer à faire la teuf. La teuf qui a déjà commencé apparemment là pour Shannon, là, qui dit ce soir on vous écoute pendant l'apéro avant de sortir, continuez comme ça. Vous êtes super, merci Shannon, bah profite bien de l'apéro, là, profite bien de la soirée, et puis pensez à nous pendant que vous êtes en train de picoler un mojito, là. Non, parce que là, nous on a soif, si vous voyez ce que je veux dire. Atof, on a déjà très de la soif. Viande. On a très soif. On a de la viande, c'est ouais, sûr. On a de la viande grâce à Alexandre, effectivement, voilà, là, qui va nous envoyer par la poste un bout de brochette. Donc, grâce à ça, on est sauvé. Et puis, on va aussi faire ce soir le jeu de. Je t'emmerde. Voilà, le jeu du je t'emmerde, hein, le concept est simple, il faut tenter. Eh bien, bah, vous allez vous affronter, deux auditeurs vont s'affronter, et puis le but, c'est celui qui arrivera à placer le plus de je t'emmerde dans une conversation lambda avec quelqu'un qu'on ne connaît évidemment absolument pas. Voilà, donc si vous voulez bah, tenter votre chance, vous appelez maintenant simplement Sandro au standard 01 42 48 5000 ou alors le 02 851 4x0 pour la Belgique. Il y a Marion aussi sur le Twitter qui dit heureusement qu'il y a Mickaël et son équipe pour faire rigoler quand rien ne va. Bon, Marion, qu'est-ce qui va pas là, Larry aussi qui dit, appelle-nous, bah ouais, je vais t'aider. Mort de rire, le mec des barres de rire. Il est énorme, Alex, c'est Lydia. Alex est un tueur, c'est Thibaut qui avait envoyé le message. T'as vu, Alex, les gens ils t'aiment, hein? Tu vois, quand je te disais que la régie elle avait payé plus parce que t'étais là, je te m'étonnais pas. Et aussi, je vous ai posté le lien de la vidéo sur YouTube. Ah, génial! Parfait! Bon, on n'a rien demandé, mais c'est bien que tu l'aies mis, ouais. C'est parfait. J'ai mis, je l'ai vu que je l'avais sur mon compte YouTube, et ben je l'ai mis, donc voilà. Il est maintenant sur la page. D'accord, ok, très bien, bah allez dessus alors, hein, parfait. Donc facebook.com/michaelofficiel. Il est bien, il est réactif. Si vous voulez voir, bah oui, non, mais il est bien Alex là. Hein. Ah, t'es bien Alex? Ouais. Bah oui, évidemment. Bon, alors on va prendre maintenant Eric, on l'avait promis là, Eric t'es là? Je suis là, ouais. Ok, très bien. Alors, Eric qui appelle donc des Hauts-de-Seine, et toi tu nous appelais parce que t'avais un mec qui est une amie, c'est ça, qui te doit de l'oseille? Ah, exactement, en fait, c'est une ex-amie, amie, je parle. Une ex-amie quoi? Une ex-amie, amie, c'est pas petite amie, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, en fait, on s'est rencontrés en janvier. Bon, bien sûr, l'amitié s'installe, on se voit régulièrement, jusqu'à du monde. Parce qu'on fait un week-end début avril. Ouais. Bon, malheureusement, le premier week-end, elle me plante. Ouais. Elle m'appelle, elle me trouve une excuse bidon, je vais dire. Et je dis, bah, c'est pas grave, on se verra le week-end d'après. D'accord. Rebelote, elle me plante. Et je lui envoie des messages tant que c'est assez. J'essaye de l'appeler, elle a jamais répondu. Donc, je laisse tomber le samedi même. D'accord. Je la croise. Et là, elle me sort un bobard, mais monstre. Ouais. Donc, bah, je dis, c'est pas grave, je le garde sous le coude. D'accord. Bah, je dis, si tu veux, on se verra dans la semaine. Tu m'appelles après que t'as fini le boulot. Elle dit, pas de problème. Donc, courant avril, bah, on se voit. Régulièrement, bon enfant, si tu veux. Ouais. Début mai, elle avait des problèmes financièrement. Je sais pas de quoi y retourner, hein. Elle m'en a jamais parlé. Bon, en tout cas, elle t'a demandé de l'oseille à prêter. Non, c'est moi qui lui ai fait volontairement. Ah, ça, c'est encore pire. c'est encore pire. Mais Eric, là, il s'est passé si quoi? Si tu veux, je t'explique. T'as prêté combien? 500. 500 euros? Yes. Ah ouais, quand même. Ah ouais, putain. Et dis donc, parce que Eric, justement, nous aussi, on est un peu dans la dèche là. Ouais, surtout moi. Donc, j'ai l'air pour trouver un appart, si tu pouvais me financer. Voilà, c'est ça. Donc, j'aurais bien voulu, mais là. Là, t'as plus un rond là. Bah, tu m'étonnes. Si tu donnes tout à tout le monde à maman, hein. Bon. Si tu veux, on arrive trop tard. Bah ouais. J'ai fait parce qu'il y avait une bonne raison. D'accord. Au fur et à mesure que l'amitié avançait, moi, je commençais à avoir des sentiments pour elle. Si tu veux, je commençais à être amoureux d'elle, quoi. D'accord. Ah, ok. Donc tu l'as prêté voilà. d'oseille parce qu'au fond de toi, tu t'es dit avec un peu de chance, j'arriverais peut-être me la pécho comme ça, non? Bah, pas forcément que l'argent, mais elle aurait vu que j'étais sincère. D'accord. Donc je lui offrais des cadeaux, des fleurs, tout ce qui s'ensuit. Ouais, mais c'est il y a un moment, il faut se méfier parce que c'est vrai que toi tu fais ça par gentillesse, mais du coup si la meuf elle s'en fout de toi, elle va peut-être si je dis pas que toutes les meufs sont comme ça, hein, je dis juste que si elle se rend compte que t'es trop bon, trop con, elle va peut-être en profiter. La preuve. Bah la preuve, exactement. Voilà. Donc j'avais su lui faire comprendre que j'étais attiré par elle. Ouais. Mais elle a jamais fait le moindre effort pour se voir ou quoi que ce soit. C'était toujours moi qui envoyais les messages ou l'appelais pour qu'on se voit. Une seule fois, elle a envoyé un message pour qu'on se voit. Bon, je passe le détail là-dessus. Hein. Et là, fin juin, bah, ça partit en live. On a mis un terme à notre amitié. Et là, depuis, plus rien. Elle veut pas me rendre mes sous. Ah bah oui, mais il fallait pas mettre un terme à ton amitié, là. Il fallait d'abord qu'elle te rende l'oseille. Et après, bah oui. Tu l'envoyais chier, là. Maintenant, c'est mort. Non, mais elle m'avait dit qu'elle m'aurait remboursé 100 euros tous les mois. Je dis, ok, pas de problème. Ah oui, mais ça, c'était du pipeau, ça. Ça, c'était couru pipeau, d'avance. Exactement. Bon, écoute, on va demander l'avis des autres. Tiens, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous ayez prêter de l'argent et qu'au final on vous rende pas quoi. Comment vous avez fait pour récupérer votre oseille? Venez nous en parler maintenant, vous balancez votre message tout de suite. Ça se passe au 01 42 48 5000 et ça marche également sur le standard hein, pour la Belgique 02 851 4x0. Tu restes avec nous Eric? Ça marche. Bon, parfait, on va faire le résultat du gagnant aussi par rapport à la colle maintenant. T'es là Miko? Toujours là, ouais. Pardon, hop là, voilà. Alors, on y va, on va appeler le ou la gagnante, hein, enfin en tout cas celui qui a priori a répondu. Est-ce qu'il aura bien ou mal répondu, ça on verra. Et si il répond correctement, tu perds. S'il répond mal, c'est tu gagnes. Le but c'est participer déjà. Évidemment. Et si la personne commère ne décroche pas, tu gagnes aussi, évidemment. D'accord? Eh ouais, c'est la règle. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et c'est un iPod Nano qui est à gagner donc maintenant. iPod Nano ou le casque DJ, hein, vous choisirez, on a les deux en stock. Allez. Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Charline, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, Charline. Je t'appelle parce qu'il y a Miko qui a une colle à te poser là. Oui. Ouais. Oui, Charline. Alors vas-y Miko. Alors la colle est, quelle est la différence entre un distributeur de billets et une prostituée? Alors La différence c'est que le distributeur de billets donne du liquide alors que la prostituée l'avale. C'est ça. Oh la classe. Oh, vous avez été au top là. Bravo. Bon ben voilà, ben Charline, ben toi du coup tu gagnes tu veux quoi? Tu veux l'iPod Nano ou tu veux le casque DJ? L'iPod Nano, ben voilà, dernière génération, il va arriver chez toi rapidement. Je te fais des gros bisous Charline. Ben merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. Salut à toi Charline. À bientôt. Et puis Miko, tu retournes ta chance quand tu veux. Hein. Y a pas de souci. Par contre, dis-moi Mika, justement, j'ai une question à te poser. Est-ce dis-moi. Que tu as écouté mon mix que je t'ai fait? Non, tu m'as déjà posé la question tout à l'heure et je ne l'ai pas encore écouté. Mais je l'écouterai. Je l'écouterai ce week-end, j'aurai le temps de le faire. En même temps, tu veux des conseils de DJ, je peux t'expliquer que je suis pas très c'est le meilleur DJ. À limite, demande à Toff, il est presque DJ. Ouais, attends. Voilà. Ou demande à Miko qui lui est DJ confirmé. De quoi? Moi j'ai tout après David Guetta, arrêtez. Attends, j'ai pas compris, tu m'as dit quoi Miko? Moi, ça fait quand même 2 ans et demi que je mixe. Hein. Non, non, mais je veux bien le croire. C'est juste que moi, je suis une brêle en mix. Donc, tu vois, je suis pas DJ. Donc, je peux te dire si. Ah, demande à Nico de Party Fun. Bah, voilà, mais je pense qu'effectivement, t'auras plus de chance avec lui. Ouais. Mais je lui enverrai. Voilà, je lui forwarderai. Comme ça, il t'aura aussi un avis d'un vrai professionnel. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, salut Miko et à bientôt. Hein. Ça marche. Allez, salut à tous. Et franchement, salut. Comme ça, c'est génial. C'est gentil Miko. Ciao. Tiens, Alex. Ciao. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de la colle, là? Ouais, j'ai bien aimé. Ok, très bien. Merci Miko. Merci Alex. Attends, bouge pas. Il y a aussi dans un instant, où est-ce qu'il est? Ah ben on va appeler Pedro là pour le gage avec Sandro. Tiens, on l'appelle maintenant en direct. Pedro, c'est le directeur d'antenne et donc Sandro avait fait une histoire qu'il avait survendue en fait, c'était 15. Et donc du coup, ça mérite un gage. Sauf je t'emmerde, vas-y. Je t'emmerde. Et on fera le jeu des je t'emmerde juste après aussi d'ailleurs, évidemment. Oui. Ah Pedro. Oui. Ouais, je t'emmerde parce que en fait, il y a Sandro bon, elle a fait une vanne tout à l'heure, je t'emmerde qui était vraiment dégueulasse. C'est pas le jeu Toff, on le fera tout à l'heure. Putain, mais elle empire la situation en qu'est-ce fait. Qu'il est relou là. Mais oui, c'est ça. Bon, alors Pedro. Oui. Sandro. Mets sur pause le standard là. Elle va te reprendre après, bouge pas. Voilà. Donc il y a Pedro qui est au téléphone. Mais oui, on dit on va. T'es avec ton mec ou je rêve? Quoi? Mais je te rappelle mon amour, je te rappelle. T'es avec ton mec? Non, bah non. Les appels perso, fais attention. N'importe quoi. Fais attention. Bon, alors, quel est le gage, Pedro? Mais quel est le gage? Quel est le gage? Sandro, je suis vraiment cool. Je vais te proposer un gage. Je suis vraiment cool. C'est la dernière fois qu'il a dit ça, c'était bien. J'aime bien comment il se vend. Moi, je suis vraiment cool, tu vois. Je vais te proposer un gage, mais je suis cool. Vas-y. Je suis vraiment cool. Parce que je vais te proposer un gage que même les garçons auront accepté. Ok? Donc, tu vas voir. Je te propose que tu choisisses n'importe quel mec de l'équipe et que tu lui roules une galoche avec la langue. Non. Tu choisis. Mais franchement, c'est comme si, mais on peut pas, c'est c'est impossible. C'est comme si tu me disais, on se connaît, enfin, c'est pas possible. Pedro. Attends. C'est pas possible. Alors, il faut savoir. Je joue pas des galoches à ma sœur, donc Sandro, c'est encore moins possible. Attends. Pedro, j'ai peut-être un autre plan également, parce qu'il faut savoir que Sandro est une assistante, ça peut se faire aussi avec elle, éventuellement. Ah oui. Voilà. Éventuellement. Mais arrêtez les trucs touche-pipi, là, ça va ou ouais. Quoi? Non, je peux embrasser l'assistante. Mais pas avec la langue, mais je peux embrasser l'assistante. L'assistante, c'est avec la langue. Non. Une personne avec la langue. Non, moi je refuse. Hey, Pedro, il fantasme. Mais ouais, il se fait son trip tous les soirs, le mec. Ça va, quoi. Bon, alors du coup, tu refuses, donc on fera un autre gage dimanche, alors. Non, j'ai dit je voulais bien l'embrasser. Hein. Ouais, mais avec la langue. Non, ça se trouve, elle veut pas, elle la pauvre. La règle, c'était avec la langue, donc tu refuses ce gage-là. Ouais. D'accord. Moi, je veux bien te rouler une pelle, Sandro. Non, on peut pas. Regarde la taille de la langue. C'est sale entre nous. Quelle horreur. C'est sale, c'est considéré comme sale. Quoi, bon, c'est sale. Bah, alors, du coup, entre Pedro. Nous, c'est chaud. Pedro, donc, du coup, nouveau gage dimanche, alors on te rappelle, hein. Pedro, on l'a perdu, là. Pedro? C'est bon. Donc, du coup, autre gage dimanche, alors, hein, falloir y réfléchir. Pas obligé, mais. Qui a décrété que. Nous tous. Sandro, je vais te courir. Hein? Je suis en train de rater le match, je vais te pourrir. En plus, il y a un but là en ce moment. Je ah, bah là, ça va pas tarder là. Là. Ça va peut-être pas tarder là. Je pense qu'on arrive à la mi-temps là, toujours 0-0. Il serait temps qu'est-ce qu'il se passe que un truc. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te soudoyer? Que dalle, faire le gage. Non, rien du tout, vraiment rien. Si. Vraiment, j'insiste. Si elle fait le gage, y a pas de problème. Hein. Si elle fait le gage, y a pas de souci. Bon, Pedro? J'ai 3 jours pour réfléchir. Parfait. Exactement, c'est jusqu'à dimanche. Dimanche. Bon, bah, bon match, Pedro. Merci, amusez-vous bien. Comme on est belge, allez les diables. Hein. Amusez-vous bien, bonne nuit. Ah, tu vois, il a pas dit l'inverse. Hein. C'est bien. S'il voit directement les choses. Bon, allez, restez sur Fun Radio. On va revenir dans un instant avec le son d'Axwell. On va faire aussi le jeu du je t'emmerde. Pour ça, on a Déborah et Isabelle. Oula, entre filles ce soir, là, je t'emmerde. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Ça va bien, les filles? Nickel. Bon, vous êtes prêts pour le je t'emmerde? Je t'en prie. Ok, très bien. Et fais attention, toi. Bon, Déborah et Isabelle, vous allez jouer dans quelques instants là. Restez bien avec nous. On va se mettre comme promis le son d'Axwell avec Center of the Universe. Et puis on suit encore le match. Je rappelle que si vous pronostiquez correctement le match de soir Belgique-France sur facebook.com/mikaelofficiel, vous gagnerez peut-être votre iPod Nano ou votre casque DJ. Je vous souhaite bonne chance. Un truc à dire. Mikael, appelez Mikael. No limit. 01 42 48 5000. 20h, 23h. Sur Fun Radio. Bon, allez, ça y est, c'est la mi-temps hein, sur le terrain là, au Stade Roi Baudouin à Bruxelles en Belgique. C'est 0-0 donc à la moitié du match, hein, comme ça vous le savez. Et donc du coup, bah, vous avez encore un quart d'heure là, le temps de la mi-temps pour faire vos pronostics sur le Facebook, là, facebook.com/mikaelofficiel. Et si vous avez le bon pronostic et que vous êtes tiré au sort à la fin du match, eh bien je vous offrirai tout simplement votre iPod Nano ou votre casque DJ chez vous. C'est vous qui choisirez d'ici quelques instants. On va également faire le jeu du je t'emmerde dans un instant. On aura Eric, Greg qui voulait réagir à Eric, qui a prêté de l'argent à une amie, s'est fait plumer, elle veut pas lui rendre l'oseille évidemment, hein, forcément. On aura Alex, évidemment, Alex 13 ans là de Bordeaux, qui va donner son avis bien évidemment par rapport à tout ça, par rapport au match aussi, hein. Ça fait une première mi-temps qui vient de passer, je vais quand même avoir son avis sportif, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Voilà, on en parle en tout cas dans un instant. Et puis on va s'écouter un DJ Fun Radio maintenant, la découverte en partie fun. Allez, c'est parti, on s'écoute le son de d'Axwell maintenant sur Fun Radio. Là, c'est parti. Hop là, juste après, pardon. C'est parti. Bonne soirée avec Fun Radio, c'était Axwell à l'instant avec Center of the Universe. Et puis restez sur Fun puisque je vous cale dans un instant. Et oui, le son de Muttonheads sur Fun Radio avec Snow White. Et puis j'aurai aussi Jason Derulo là. Bon, bon les filles. Et d'ailleurs les filles là, je vous ai demandé d'ailleurs hein, quel était le footballeur là, comme ce soir il y a les Belges, l'équipe de France face aux Diables Rouges, enfin plutôt l'inverse, les Diables Rouges face à l'équipe de France puisque ça se passe en Belgique. Je vous ai demandé quel était le joueur que vous préfériez là, que vous trouviez le plus beau là, il y a Crazy Mofos là qui dit aussi sur le Facebook, le plus beau footballeur c'est Olivier Giroud. Voilà. Juju qui dit punaise avec la fatigue, compliqué de tout suivre, hein, le foot, Mickaël, Twitter, c'est quand même du travail, c'est vrai. Oh là là, quelle vie, quelle vie. C'est beaucoup de travail, effectivement. On est bien d'accord avec tout ça. Mickaël, nos limites, 20h, 23h. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct. Allez, c'est parti. On va reprendre dans un instant, là, puisque c'est la mi-temps. Alex? Oui. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du match, là? Ah, ben moi, écoute, pour l'instant, d'après ce que j'ai bien aimé, en tout cas. T'as bien aimé? D'accord, ouais. Ok, très bien. Beaucoup de buts. Est-ce que je peux demander quelque chose aux auditeurs ou pas? Non. Ah. Oh. Non. Oh. Ah, c'est dommage. Bah oui, je sais, ouais, mais... Non, mais c'est juste... Je veux juste leur demander quelque chose, je peux? Non. Ah, d'accord. Non. D'accord. Attends, problème. Je réfléchis. Ça y est. Donc? Non. Ah. Voilà. Bon, attends une seconde. Oui, je sais. Bah attends, on doit faire le jeu, le jeu t'emmerde, là. Oh, mais c'est bientôt de raccrocher, moi. Ah bah non, Alex, j'ai quand même pas de raccrocher, tu vas pas raccrocher encore une fois. je sais pas là. C'est... Mais non, reste avec nous. Mais j'ai quelque chose à demander, mais parce que, Bon, qu'est-ce qu'il y a? Si, tous les auditeurs là qui écoutent, est-ce que vous pouvez sur ma chaîne YouTube là que j'ai mis sur le. Dans le truc, que vous regardez mes vidéos? C'est pour faire la pub. Ouais, voilà un peu ce que. J'ai une vidéo, j'ai une chaîne YouTube depuis 2 mois. Ouais. Mais j'ai pas eu beaucoup de monde. Ça m'étonne. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de monde. C'est pas normal, hein. Oui, mais voilà, là, donc si au moins vous pouvez aller jeter coup d'œil sur mes vidéos, ça serait super. C'est parfait. Bah écoute, on va y aller, hein. Ouais. On va aller voir. Attends, Alex, 2 secondes, là. On va prendre le jeu du Storm Air, parce que dans le standard marqué rupture, alors je suis perdu. Déborah qui est avec nous, là, 17 ans. Salut, Débo. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ça va tranquille, ouais. Salut. Et en face de toi, Isabelle, hein, 30 ans, qui va jouer avec nous également à ce grand jeu, le jeu du... Je t'emmerde. Voilà, le principe est simple, donc il faut... on va appeler quelqu'un au hasard, évidemment. Le principe est donc d'arriver à placer le plus de je t'emmerde dans une seule conversation avant que la personne ne raccroche, d'accord? Mademoiselle? Oui. Ah d'accord, comme il n'y a personne qui répondait, je me dis, bon bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Tout le monde a raccroché. Alors, Déborah, Isabelle, laquelle des deux veut commencer? Ah, peu importe. Peu importe, bah Déborah, puisque t'insistes, c'est parti, on y va, hein. Toi qui démarres, Déborah? Ça marche. Bon, allez, c'est parti, on y va. Donc, on appelle, je rappelle la règle, donc. Le principal, c'est d'arriver à placer le plus de jeux t'emmerdes, bien évidemment. Il faut qu'on arrive à les reconnaître, hein. Fais pas le chemin de merde. Tu vois? D'accord. Voilà, il faut vraiment que ce soit clair. On y va, c'est parti, on appelle, bonne chance. Record à battre, donc, qui était de 28, exactement, la semaine dernière. Vas-y, bonne chance. Allez. Au cas où, on a d'autres numéros. Hein. Oui. Au cas où. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour, en fait, je voudrais créer un magasin et j'ai besoin de votre avis. Donc, le magasin, il s'appelle Je t'emmerde. C'est pour tous les jeunes, en fait. Vous êtes vraiment trop une connasse et un bébé qui dort, quoi. Ben, je t'emmerde quand même. Ah bah deux. Ah deux, c'est pas énorme. C'est pas énorme, Déborah, là. Oh là là. Eh, hey, dis donc, Isabelle, t'as toutes tes chances, là. Ouais. Déborah, t'es une connasse. Ouais. Oui, je suis une connasse. Je veux bien parce que la bonne femme, elle a quand même dit ça, c'est de manière tellement naturelle. Grâce. Et vous êtes vraiment une connasse. J'ai un bébé qui dort. Oui, tu sens la pauvre maman, non, mais qui doit galérer parce que son gamin doit hurler toute la journée. Non, mais d'accord, mais c'est comme hier, il y a un auditeur qui dit, ouais, arrêtez d'appeler les vieux. Mais on peut pas savoir, on appelle au hasard. On appelle pas des vieux volontairement pour les emmerder, on appelle au pif. Bah c'est pareil. Là on appelait au pif. Bon. Oui, mais c'est pas grave. Tant pis. Écoute, Déborah, deux, on sait jamais, hein. Ça se trouve, Isabelle elle va se ramasser, hein. Ça peut être décrocher, raccrocher. Mais bon, c'est pas grave. On sait pas. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Si jamais t'en fais deux également, les auditeurs, départageront, là. C'est parti, t'es prête, Isabelle? Parti. Bon, et tu es, la semaine dernière, 28 pour toi, hein. T'es loin du compte, là, quand même, Débo, là. Hein. Très loin du compte, là. Allez, c'est parti, oui, on y va. Excusez-moi. Bah, c'est pas grave, Débo. Allez, vas-y, Isabelle, bonne chance. Merci. Bon, deux, ça va, hein. La barre est pas trop haute non plus. Parce qu'elle a tardé à aller mettre les jetons-merdes. Ouais, ouais, ouais, grave. Allô? Allô, ça va pas? Yassine, il m'a plaqué, il m'a dit je t'emmerde. Tu trouves ça normal, toi? Je te jure, je vais faire une connerie. On me dit pas je t'emmerde. Est-ce que je te l'ai dit à toi, je t'emmerde? Mais attendez, vous trompez de numéro. Ah ben, de ça, je me suis trompée. Mon mec, il me plaque, il me dit je t'emmerde. Je vais faire une connerie. J'ai besoin de parler. Tu veux bien m'écouter? Ah, 10, c'est pas mal, hein. Hey, 10, c'est bien, là, hein. Ah bah ouais, mais bon, bon ouais. Finement, voilà. Ouais, mais bon, bah Déborah, là, comment t'expliquer que 2, là, c'est quand même pas terrible non plus, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas grave, tant bah que ouais, c'est le jeu. Bah oui, c'est le jeu, effectivement, ouais. Bon, bah très bien. Eh bah Isabelle, bravo, jouez subtilement, là. Ah, j'ai demandé à Sandro cet après-midi, quand elle m'a appelé, elle m'a dit que je pouvais. Ah non, mais c'est très bien, non, mais y a pas de problème. Je dis subtilement, hein. J'ai pas dit que t'avais triché, loin de là, hein. Non, c'est bien, c'est une tactique comme une autre, voilà. Tout simplement. Non, mais Isabelle, bien joué. De quoi, Déborah? J'ai dit Isabelle, bien joué. Ouais, ouais, non, franchement, respect, ouais, c'est pas mal. Bah, Isabelle, tu veux quoi? Tu veux l'iPod Nano ou tu veux le casque DJ? Je vais prendre pour mon amoureux le casque DJ. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon, c'est trop mignon. Mais oui, c'est trop mignon. C'est naze. Et dire qu'il va te dégager. Il t'écoute en plus. Alors Isabelle, il va couper. Isabelle, et dire qu'il va te dégager dans un mois quand il aura reçu le casque. Non, ouais. Elle est contente, le gars. Mais non, ça m'étonnerait. Et après, tu pourras rappeler pour dire mon mec, il m'a dit je t'emmerde. D'ailleurs, comme le copain les écoute, là, si le jour où il te vire, il peut dire je t'emmerde, effectivement, c'est bien. Par contre, il vient de me demander comment t'as deviné qu'il allait me plaquer. Bah, comme ça, tu vois, c'est l'habitude, je pense. Je dois le deviner, il a reçu un cadeau, là. Mais attends de recevoir, hein, le copain, là. C'est important, évidemment. Bon, mais gros bisous, les filles. Par contre, je peux faire une petite dédicace? C'est la dédicace ou le casque? Bon, ben, désolé, Déborah, je te ferai pas de dédicace, alors. Pas mal, subtil, Isabelle, pas mal. C'est vraiment des enfumes. C'est pas grave, maman. Non, parce que c'est ma fille, Déborah. Oui. Ouais, bon, bah, Isabelle, t'emballe pas non plus, hein. Oh, bon, non, mais c'est vrai, c'est fille qu'elle aimait. Gros bisous, les filles. Gros bisous, merci. Salut, allez, à bientôt, ciao à vous, bye bye. Bon, et puis on va prendre dans un instant. Bon, Alex. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, du coup, alors, du je t'emmerde? Ouais, c'était bien quand même. C'était bien. Même malgré s'il y a eu quelques petits défauts, sinon c'était super bien. C'était quoi les défauts, toi? Qu'est-ce que t'aurais corrigé, toi? Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand même, tu vois, que la femme allait raccrocher direct, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, écoute, on va la rappeler, on va lui dire, écoute, la prochaine fois qu'on t'appelle pour je t'emmerde, tu restes plus longtemps. Voilà, c'est ça. Ça me paraît pas mal, effectivement, ouais. Très bien. Non, c'est vrai ce que Non, mais on est d'accord avec toi. C'est pour ça que je te demande ton avis, dis-moi. Parce que voilà, à part que ça aurait été un peu plus, c'est ce qu'elle aurait gagné, ouais. Mais bon. Bah, bien sûr. C'est pas le cas. Parce que bon, voilà, après, voilà. Ouais, d'accord. Très bien. Attends une seconde, on va récupérer, Eric, là, Alex, là, bouge pas. Eric, qui, a prêté 500 euros à son ex-amie. Donc pas à sa petite copine, hein, à son ex-amie. Ami, voilà, c'est ça. Donc, ami, tranquille, normal, quoi. Et donc, du coup, elle te les a jamais rendus, justement. Et alors, justement, ça tombe bien que tu sois là, puisque je voulais qu'on parle d'un autre truc en même temps, tiens. Qu'est-ce que t'as fait de plus dingue par amour? Parce que là, c'est par amour d'amitié, mais par amour. Par rapport à moi, bah, j'ai pas tellement rien fait. Pas tellement rien fait, d'accord, ok. Non, je demande ça parce qu'en fait, à Montpellier, il y a un gars de 17 ans qui a commis 2 vols par amour. En fait, il était éperdument amoureux d'une fille, là. Oh, elle voulait qu'il soit... Alors, bah, là, j'irais pas jusqu'à voler, moi. Non, mais d'accord, non, mais lui, il l'a fait pour une fille, justement. Elle voulait qu'il soit puni pour les vols qu'il avait déjà commis. Alors, il est allé au commissariat, il a été relâché pour son premier vol. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a commis un second, justement. Et donc, justement, il attend la police, hein, parce qu'il veut aller en prison pour l'amour de sa belle. Et donc, dites-nous, qu'est-ce qu'il est con, alors, lui. Et donc dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait par amour, justement? Qu'est-ce que vous avez fait comme cadeau? Qu'est-ce que vous avez fait tout simplement par amour? Donc toi, rien alors, Eric? Bah moi non, pratiquement rien, non. D'accord. Et bon bah les à part autres offrir des, à part offrir des cadeaux et des fleurs, sinon... Ouais, et prêter 500 euros quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, bah 01 42 48 5000, je vous attends, les filles, les mecs. Qu'est-ce que vous avez déjà fait par amour? 02 851 4x0 pour la Belgique. Et on accueille Greg avec nous maintenant des Landes. Salut Greg. Salut Mika. Comment salut. Va Bah, très bien, et toi? Bah, bon, oui, ça va bien, ouais. Bah, sois le bienvenu, Greg. Tiens, un avis, merci, tu suis cool. Le foot ou pas, toi? Allô? Tu suis le football ou pas, Greg? Là, je suis au boulot, je viens de taper 700 bornes, donc le foot pour l'instant, c'est pas trop mon truc. Là. Non, non, mais je te demande pas si tu regardes en direct, mais genre, t'as un pronostic là pour l'équipe de France face au Diable ce soir? Absolument pas, non. D'accord, très bien. Et toi, Eric? Non. Je dirais bien la Belgique. Tu dirais bien la Belgique? Bah, on verra, il reste 45 minutes, ça va redémarrer là. Bon, Greg, qu'est-ce que t'as déjà fait par amour, toi? Je sais que tu voulais réagir à l'argent d'abord, hein, mais par amour, t'as déjà fait un truc en particulier pour une fille ou pour un mec? Ouais, j'ai pris la route pour mon ex, enfin voilà, pour une gonzesse, mais... Ah, c'est-à-dire quoi, t'as traversé la ville? J'ai fait un Paris-Cannes à 3h du matin, ah ouais. La voiture, elle me manquait, j'ai pris la bagnole, j'ai fait 10 heures de bagnole pour aller la rejoindre. Oh, pour lui amener un petit-déj. Enfin non, 10 heures de voiture, ouais, pour aller déjeuner avec elle plutôt. C'est ça, pour aller manger le midi, lui faire la surprise et on... Et là, elle était au lit avec un autre. Non. Enfin, pas à cette époque-là, en tout cas. Ah. C'est arrivé plus tard. Ouais, c'est arrivé. Ça. Il y a eu le décalage horaire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gonzesses. Mais bon, peu importe, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, elle en a vu toutes les couleurs, cette Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, dites-nous si vous avez déjà fait par amour. Tiens, il y a Denis qui dit Mickaël. Et toi, Tof, t'as déjà fait un truc par amour? Ouais, moi j'ai fait un peu comme Greg, moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé j'ai fait des kilomètres pour aller chez la meuf qui en fait son portable était coupé, et donc j'ai dormi devant chez elle toute une nuit juste pour le matin pouvoir lui envoyer un message et lui dire je suis là, quoi. Oh. Ouais. Après, elle s'est barrée avec un autre mec, tout ça, mais Greg connaît l'histoire. Oui, c'est ça. Bon, après, Greg... on a peut-être eu la même, hein. C'est ça. Bon, Greg. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a pas répondu. Ouais, ça doit être ça. Bon, on reparlera des trucs dans un instant, là. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus, beau par amour, justement? T'as demandé à Alexandre? Non, je vais le demander après. On va d'abord reprendre Greg, d'abord, là, par rapport à ces 500 euros, là. Qu'est-ce que tu voulais donner comme conseil, toi, à Greg, Eric, Greg? Puisque Eric nous avait appelé parce qu'il voulait récupérer les 500 euros qu'il avait prêté à une ex-amie à lui. Sauf que, elle m'a fait souffrir. Alors, je pense que, c'est un petit peu con de prêter de la thune comme ça sans faire de reconnaissance de dette derrière. Il aurait dû faire une reconnaissance de dette. Après, s'il arrive à reprendre contact avec elle et à lui faire signer un papier en lui disant « Je suis signé mademoiselle machin », voilà, comme quoi elle lui doit 500 euros. Après, avec ça, il peut aller porter plainte. Hein. Le pire, Greg, c'est que la meuf lui a rien demandé, hein. Ah ouais, non mais là après ça s'appelle du tocard. Attends, j'ai un avis des mignons là. Voilà. Mais oui, effectivement, pour le coup, c'est quand même con là, Eric. Tu te rends compte là maintenant avec le recul? Bah, je sais bien. Parce que là, elle te demande rien, c'est toi qui lui donne l'oseille, et après c'est toi qui lui dis bon bah écoute, c'est bon, j'en ai ma claque d'être ami avec toi, là, casse-toi. Et au fait, renvoie mon argent. Attends, moi je dis ça, mais t'es bon, va te faire foutre, moi je te rends pas ton oseille. Bon, après, tu veux faire un virement s'il veut faire un virement, qu'il donne ses coordonnées, hein. Ah oui, moi je vous le rends compte avec plaisir, Eric, hein. Vraiment. Non, mais justement, j'avais proposé de faire par virement ce qu'elle pouvait tous les mois. Mais elle m'a envoyé balader. Je pense que la meuf, elle, c'est fini, tu vois. Je crois que tu la reverras plus, t'es 500 boules, hein. Enfin, à moins d'aller couper un doigt ou un truc du style. Franchement, je sais où elle reste, elle habite derrière chez moi. Oui, mais alors, tu vas pas aller la taper, tu vas pas aller la tuer, tu vas pas aller lui. Aller la braquer, Je vais pas lui jusque-là. Mais je sais où elle travaille déjà aussi, donc je sais où taper. Tu veux pas qu'on l'appelle pour lui faire peur? Ouais, on peut l'appeler si tu veux. Et tout, et on lui fait, écoute, on va récupérer le pognon. L'appeler, ça sert à rien, parce que je sais très bien qu'elle répondra pas. On sait jamais, au pire elle décroche, on verra. Bah, au pire elle décroche, ouais. Mickaël va récupérer ton argent. Exactement, oui, pas de problème. Bon, attends, mais reste là Eric, reste là Greg. Les filles, qu'est-ce que vous avez comme conseil éventuellement à donner là? N'hésitez pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de profiter d'un mec et de vous en rendre compte? Non, les filles font pas ça, jamais. Non. Et de vous en rendre compte, d'avoir peut-être, je sais pas moi, honte au final. Hein. Venez nous en parler, 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 pour la Belgique. Vous y allez, y a pas de problème. Qu'est-ce que t'en penses toi, Alex? En fait, moi, j'ai déjà une copine, mais ça a été difficile, en fait, parce que, tu vois, comment dire, j'en ai déjà une, mais en fait, là, ça fait un an qu'on était plus dans le même établissement, parce que, voilà, elle avait mon âge, en fait. Tu nous rappelles ton âge, justement? Hein? Tu nous rappelles ton âge, justement? 13 ans. D'accord, donc c'est tout. 13 ans? Et t'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait un an. D'accord, ok. Bon, très bien, c'est bien. Et du coup, tu nous as pas donné ton avis, en fait, hein? Non, mais je l'ai donné, là. Ah, d'accord, alors très bien, j'avais pas compris. Alors, parfait. Bon, écoute, Alex, ne bouge pas de là, on va revenir avec toi dans un instant. On aura Chris aussi dans un instant. Pareil, on parlera de quoi, Chris, avec toi? Moi, c'est pour expliquer quelque chose que j'ai fait par amour. C'est beau, on va en parler dans un instant. Chris, ne bouge pas de là. C'est beau, l'amour. Voilà, le temps d'écouter un bon son d'amour. Le son de Muttonheads dans un instant sur Fun Radio. Ce sera Snow White. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Là, on est en direct jusqu'à 23h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. 01 42 48 5000. 20h-23h, Mickaël, No Limit, sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, avec tous vos messages évidemment, 01 42 48 5000 pour nous appeler, allez-y, où que vous soyez en France, ça fonctionne évidemment, et puis ça fonctionne aussi pareil sur le Facebook et Twitter, facebook.com/Mickaël officiel, et puis le hashtag sur Twitter, vous tapez le hashtag M-I-K-L. Retour avec Greg dans quelques instants, retour avec Eric également, les excuses bidons, tiens, il y a encore Lionel qui voulait nous en prendre encore quelques-unes, et puis je vous avais demandé ce que vous aviez déjà fait de plus ouf en amour, pour une fille, pour un garçon, vous avez fait quoi? On aura Chris dans un instant là, c'est bien ça Chris hein, de Montélimar là? Oui c'est ça. Parfait, le truc le plus ouf que t'as fait pour une fille, tu vas nous en parler dans quelques instants, ne bouge pas de la Chris, on en parle dans quelques secondes justement, et puis tous les messages qui sont arrivés encore, vous êtes trop bien, je vous écoute tous les soirs, c'est gentil Esteban. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Clara qui dit s'il faut choisir, Sandra je pense que Mickaël est le mieux, ah oui c'était par rapport au gage, oh bah c'est gentil, merci Clara. On écoute le son de Muttonheads maintenant sur Fun Radio, c'est Snow White, allez bonne soirée, on est jusqu'à 23h. Bonne soirée avec Fun Radio, il y a Party Fun qui va débarquer tout à l'heure là, et Muttonheads à l'instant, c'était Snow White, je vous cale Jason Derulo à suivre dans un instant, et il y aura peut-être même Caroline Marquez aussi là, qui va suivre avec Sing La La La. Caroline Marquez c'est Florida. Et il y a un message d'Enzo qui vient d'arriver aussi là sur le Twitter qui dit j'ai l'impression d'avoir raté une bonne émission, ouais. Mais mieux vaut tard que jamais. Bonjour à l'équipe. Ah bah effectivement, si tu viens d'arriver là, il était temps, hein, je te le confirme. Il y a aussi un message de Martin Garrix sur le Twitter qui dit Mickaël, t'es pas mal. Bah écoute, je te remercie Martin Garrix là, mais c'est pas ton vrai nom aussi accessoirement là. Je crois qu'il parle un peu comme ça, Martin Garrix. Bah c'est ça hein, mais enfin bon après, c'est un détail. Alors, on va donc récupérer il y a du monde ce soir là, hein. On va terminer avec les excuses bidons là, Lionel qui est avec nous là. Allô Lionel. Ouais, salut toute l'équipe. Salut à toi Lionel, comment vas-tu? Salut. Bah ça va, nickel, merci. Bon bah tant mieux, bah sois le bienvenu. Et quelqu'un qui me demandait là, il est sur la route là, c'est quoi le score? Bah c'est toujours 0-0 pour l'instant là entre la Belgique et la France. Alors Lionel, les excuses bidons là, 28 ans de camp là, c'est quoi les meilleures excuses bidons que t'as balancées là déjà? Bah moi c'était pour un patron en fait, je suis arrivé à la bourre un matin, tu vois, au boulot. Ouais. Et en fait, écoutez bien, c'est voilà. Bon à savoir à mon avis, hein. Écoutez bien là. La journée s'est passée, nickel, machin, enfin ils m'ont un peu fait chier, on va dire entre guillemets, mes chefs d'atelier, tu vois. Ouais. Et puis le lendemain, du coup, vu qu'ils m'avaient fait chier toute la journée, j'ai pas voulu y aller. Et du coup, ils m'ont appelé, donc je leur ai dit que ma grand-mère était morte. Oh, ouais. Sauf qu'ils m'ont demandé un certificat de décès. Eh bah oui, forcément, et c'est là que... Dans le cul. Bah du coup, vu que j'étais en intérim, ils m'ont viré. Bah c'est normal mignon là, c'est à dire qu'il y a un moment, qu'est-ce que tu veux? Bah oui voilà. Voilà, je l'ai jamais fait quoi, j'ai déjà fait d'autres boîtes mais pas celle-là. Ouais. Mais peut-être que les mecs ils avaient entendu parler que tu l'avais déjà fait dans d'autres boîtes et donc du coup ils ont fait Ouais c'est possible. Bah enfin, oui coup, voilà, non mais oui mais c'est pas, ça. Mais ouais mais attends, mais c'est normal, c'est à dire qu'il y a un moment en plus avec les décès vous jouez avec le feu. En plus c'était déjà décédé ta grand-mère? Ouais. En plus, c'est mal, tu vois, c'est te parler. C'est ça, quoi. Oh, putain. Enfin, bon. Il m'a appelé au réveil, toi, donc du coup. Oui. Et il a dit quoi? Il a dit, on ne croit pas, ou qu'est-ce que t'as dit? Non, même pas, c'est juste qu'il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, bah, je vais te laisser tranquille pour aujourd'hui. Ouais, il m'a normal. Le lendemain, puis il m'a dit, bah, il nous faudrait un certificat de décès pour la compta et tout ça, pour. Et qu'est-ce que t'as fait? Pour dire que j'étais pas là. Bah du coup j'y suis pas retourné, puis après mon grand... Ah t'es jamais retourné ou t'as appelé en disant ouais non mais en fait ma grand-mère a ressuscité. Ouais, elle est revenue, elle est revenue. Elle a gratté au cercueil, elle est ressortie dans la... Bah oui. Ça y est, elle est revenue, c'est un miracle, c'est magnifique. Et là, tu remercies ton patron et là lui peut-être sera content et il va te garder, en fait pas du tout quoi. Bon ouais, ouais. Bon bah merci en tout cas pour l'histoire Lionel. Bah de rien, je peux avoir un petit pack fun ou quelque chose? Oui, bah on n'a pas de pack fun, ils sont pas encore arrivés, mais si tu veux, on a des packs. Percy Jackson, on a des places de ciné si tu veux avec quelqu'un, Lionel. Ouais, bah Ouais, vas-y, vas-y. Eh ben bah voilà, Percy Jackson, on va te filer ça, un film sorti avec Fun, là, on va t'envoyer ça, y a pas de problème. Je te repasse Sandro, on va prendre tes coordonnées, d'accord? Merci beaucoup, puis bonne soirée. Salut. Bah, merci, à bientôt, Lionel. Ciao à toi, bye bye. Retour avec, attends, Alexandre. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette excuse-là? Ouais, faut le dire que c'est quand même pas très bien. C'est pas très bien, hein. Non, ouais. C'est même mal. Non, c'est même pas bien aussi, du tout. Je dois m'en aller, là. Donc, est-ce que je peux faire juste quelques petites dédicaces? Une seule petite? Une seule, Alex. Parce que t'as déjà fait la pub. Si, non, c'est la règle pour tout le monde. Non, c'est la règle pour tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit. Alors, une seule, Alexandre, une seule, à une seule personne. Choisis bien, Alex. Alors, une dédicace à Brian. Eh ben voilà, ça y est, hein, la dédicace à Brian. Eh ben voilà, donc tous les autres, ils vont tirer la gueule. Ben voilà, bravo, Alex. Hein. C'est YouTube. Vous regardez les... Très bien. Sur ma chaîne YouTube. Eh ben voilà, message est passé. Merci. Bah, avec plaisir. Je vais raccrocher, je suis désolé, hein. Ouais, non, mais nous aussi, on est vraiment déçus, on là. On est très triste, hein, parce que. Bon, tu nous rappelleras, hein. Bah, ne pleurez pas quand même. Non, mais si, bah, quand même un peu, là. Mais tu nous rappelleras, hein. Oui, mais après, c'est sûr que je repasserai pas parce que là, je me suis déjà fait plusieurs fois remballer, donc c'est sûr. Bah, mais j'ai rien compris, mais d'accord, ok. Mais on. Non, mais j'essaierai demain peut-être, je. Ah, demain alors, très bien. Voilà. On fait ça comme ça demain alors. D'accord. Demain, tu rappelles Sandro quand même. Ouais, t'inquiète, on dit tout là, y a pas de souci, y a aucun problème. Donc bon, bah, aussi, regardez les. Oups, ouais, on va regarder les vidéos YouTube, t'inquiète pas. Bon, salut, hein. Salut, désolé. Allez, ciao, Alex, bye bye. Allez, t'es gentil, Alex. Il est sympa. Il est en mode à la cool, Alex. Bon, Chris est avec nous maintenant, là. Rebonsoir, Chris. Mais il est malade. Oh, salut toute l'équipe. Hey. Bon, qu'est-ce qui lui arrive encore à Sandro, là? Pourquoi tu dis qu'il est malade? Il me dit, ouais, bon, bah, à demain, vous me rappelez demain. Mais oui, on le rappelle demain. Bon, Chris. Bon, alors, oui. On t'appelle de Montélimar, toi. Qu'est-ce que ça fait comme plus beau geste par amour? Pendant 6 mois, en fait, j'étais avec une fille qui habitait à Paris et moi j'étais en Corse pour mon boulot et tous les week-ends je faisais des allers-retours en Corse, à Corse-Paris, wow. Du vendredi et je rentrais le dimanche pour être au taf le lundi. Waouh! Ah ouais, putain, toi t'avais de l'argent, toi, parce que j'imagine que tu faisais ça en avion, pas en voiture, rassure-moi. Bah oui, Corse-Paris en avion, ça fait un peu en voiture, ça fait chaud. Ah bah oui, non mais je te confirme, c'est pour ça que je pose la question. Hein. C'est-à-dire que le mec, il arrivait, lui faisait un bisou et repartait, ouais. En voiture. c'est clair. Ça me faisait 178 euros aller-retour par week-end. Ah ouais, putain, quand même, c'est une somme. Et elle t'a remercié pour ça? Enfin, je veux dire, elle est toujours avec toi aujourd'hui ou elle t'a dégagé comme une merde? Eh ben écoute-moi, cette pute, quand ça s'est fini, il y a un moment où ma carte partait plus et puis en fait, elle m'a payé le retour en fait. Et elle m'a demandé de lui rembourser quand on était plus ensemble. Oh là là, sans déconner quoi. Avec tous les allers-retours que t'as fait, quand même, elle aura pu faire un effort quand même. Hein. Ouais, moi mais je l'ai pas remboursé, hein, je te rassure. Ah ouais, non mais d'accord, mais t'as bien fait. Hein, mais bon, même c'est le fait de demander quoi, ça se fait pas. Ouais, non mais clairement. Mais bon, enfin voilà, ça m'a appris à chercher plus près. Oui, c'est mieux. Mais c'est mieux, t'as raison, au moins t'es tranquille comme ça, t'sais, les déplacements ils coûtent moins cher. Non mais c'est mieux, t'as raison. Non mais surtout que maintenant j'habite sur Paris, donc c'est mieux, tu vois. Enfin, ah ouais, bah ouais. J'ai habité sur Paris en septembre. Et il s'est trouvé une meuf en Corse? Non, du tout. Non, c'est fini les meufs, là, je suis concentré dans mon école. C'est fini les meufs, mais non, tu t'es mis au mec en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non, même pas, c'est mon école, mes rêves, et après le reste, on s'en fout. Ah, c'est ton école. D'accord, bon bah t'as raison, effectivement. Ah les cours Florent, ah, oui. Très bien. Bon, bah courage. Écoute, amuse-toi bien alors. Hein. Y a moyen de gratter un petit truc ou pas? On a justement des places pour Percy Jackson, un nouveau film qui sort avec Fun. On va te filer ça sans problème. Grave. Salut Chris. Cool. Allez, bonne soirée à toi. Bon courage, merci, c'est gentil, ciao à toi. Il y a Mathieu aussi qui est avec nous là de Tarbes. Salut Mathieu. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à toi, tout le monde te salue. Mathieu, sois le bienvenu. Qu'est-ce que t'as fait par amour toi? Mais moi comme je disais tout à l'heure en fait au standard, on s'est séparé avec ma copine après 3 ans de vie commune. Ouais d'accord. Je suis resté un an sur Paris à bosser comme un acharné. Je bossais vraiment du matin au soir, hein. J'avais 3 tafs différents, je me faisais un peu plus de 4000 euros par mois. Ah oui quand même. Et puis Et puis c'est vrai que après un an, 3 amoureux d'elle, j'ai trouvé une excuse bidon, mais complètement bidon pour la récupérer. D'accord. En fait, je voulais réagir aux preuves d'amour ou aux excuses bidons, ou les deux? Ouais, non. Bah, en fait, ça va être un petit peu des deux, parce que d'accord. Par preuve d'amour, justement, c'est grâce à cette excuse bidon que j'ai réussi à lui prouver mon amour et à retourner avec elle, en fait, tout bêtement. Alors, vas-y, explique, là, je suis impatient, là, je me demande ce qui se passe. Donc, en fait, si tu veux, dans le délai, on avait acheté un petit furet, notre petit animal de compagnie. Allez, vas-y. Furet. Balance ton mignon, putain, c'est bien. Non, mais attends, là, c'est. Non, mais attends, entre tu peux en prendre un chat, un chien, un canari, un perroquet, si tu veux, mais un furet. Non, mais on a pris un chat, après, on a pris un furet, on s'est séparés. Ouais. Dans le délire. Et garde alternée. Non, même pas. Attends. C'est jamais. Attends. Hein. Non, elle est partie du côté de Perpignan, en fait. Et par amour, j'ai dit, voilà, le furet, j'en ai marre, je vais le bazarder, je vais le jeter dans la forêt ou je sais pas où, je vais le donner à quelqu'un. Il a raison, le furet, c'est fait pour dans une forêt. Exactement, c'est fait pour chasser. Tu l'as acheté en magasin, il va. Ah non, je l'ai acheté à un éleveur. Non, en fait, on l'a pris à un éleveur, c'était une petite albinos, personne n'en voulait, donc bah. On l'a récupérée, elle était toute mimi, on l'a gardée pendant quelques années. Mais elle est habituée à ce qu'on lui donne à manger. Et toi, tu la lâches dans la forêt, elle va galérer. Non, mais il l'a pas lâchée, évidemment, en soi. Reste calme. Voyons. Elle a Brigitte Bardot, quoi. C'est ça, comment ça se passe, là? Ça y est, je vais prendre une part, là, c'est tout. Sandro Bardot qui est avec nous, là, nous casser les couilles, là, jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, mais c'est dégueulasse, ça. Ah, c'est comme les gens qui abandonnent leurs animaux. Oui, mais c'est pas le sujet, là. C'est pas bien jouer avec les animaux. Ben oui. Il a dit je le bazarde dans la forêt. Mais non, mais bazarde, c'est bon, il l'a juste. Il a rien fait. Voilà. Il a juste dit. Alors attends, Sandro, après j'aime bien revenir sur le truc que c'était une excuse bidon. Donc je ne l'aurais jamais fait. Alors maintenant, la vraie histoire, donc, par rapport au chat que t'as égorgé. Donc en fait, dans le délire, elle est venue la récupérer. Forcément, elle a fait Perpignan-Paris pour venir juste la récupérer un week-end. Ah, belle feinte. Voilà, très belle feinte. Et ben moi j'ai mis le paquet, quoi. Je connaissais pas mal de monde sur les Champs-Élysées. Je me suis fait réserver une petite table dans un resto sur les Champs-Élysées, bien comme il faut là. Je suis arrivé avec une amie, son petit copain et puis mon ex. Ouais. Donc forcément grand jeu, champagne, tout le tralala. On est rentré en la grande en Mercedes. Voilà, taxi Mercedes tranquille. On est arrivé à la maison. Et puis là, ce qui devait se passa. Ouais. Elle a déglingué. T'as tué le furet. On peut dire ça comme ça, effectivement. T'as tué le furet, ouais. J'ai mis le furet dans la cuisine et me suis occupé de la maîtresse. Oh non. Ah, c'est pas mal, ouais. Ah, c'est sale. Non, mais attends, mais t'as raison. Et du coup, elle est repartie sur Perpignan. J'ai dit, écoute, s'il y a moyen, j'aimerais bien passer une petite semaine avec toi, histoire de voir si on peut se ravivaucher, quoi. Donc elle m'a dit, ok, pas de problème. Et puis, sur le coup, je suis jamais remonté à Paris. Ouais. Je suis remonté vraiment à l'arrache avec la belle-mère pour aller chercher mes affaires. J'ai vendu tout ce qu'il y avait dans l'appartement en moins de 24 heures, j'ai récupéré ma bagnole et je me suis barré. Ah ouais, carrément. Oh, ah donc c'est vrai que c'est un mélange des deux, toi, les deux histoires, c'est pas mal. Hein. T'as vu, ouais, c'est vraiment un gros mélange des deux. Donc je suis passé de 4000 euros par mois avec un rythme de vie assez soutenu à 800 euros au chômage à galérer devant mon PC toute la journée. Oh putain, ouais, mais t'as l'amour, mec, t'as l'amour, ouais, et mais ça, ouais, pas de c'est prix. Ça. Ouais, du coup, maintenant il a pris 40 kilos, il a du bide et c'est tout, pas mais il est heureux avec sa femme et ça, c'est beau. Voilà, et la meuf va se barrer parce qu'il est devenu gros et gras. Voilà, je fais 30 ans là, dans moins d'un mois, le 12 septembre, je fais mes 30 ans. C'est pas vrai. Ouais. Si, sérieux, ouais. Ah bah bon anniversaire. À l'avance. Ça porte la poisse. De toute façon, t'es déjà poisseux là. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive le plus là? Mais c'est cool, franchement c'est cool. T'as une meuf qui te kiffe, vous kiffez, vous avez un albinos. Ah ouais, c'est le rêve de Polo, ça, avoir une meuf et un albinos. Il y a un Polo. Franchement, Polo, honnêtement, tu veux un bon conseil de mec maqué depuis maintenant presque 10 ans, au mois d'octobre ça fera 10 ans. Dis-moi ma gueule. Sans compter les 1 an, hein. Ouais. Franchement, laisse tomber, garde les coups d'un soir, ça vaut plus la peine. Oh, c'est bon ça. Quelle enfoirée alors. Non, si elle écoute, elle va être contente. Non, voilà, je déconne. Non, je suis sûr qu'elle est en train d'écouter en plus. Donc ma chérie, franchement, j'ai dit une connerie. Je t'aime, me fous pas dehors parce que je vais galérer, j'ai 800 euros par mois, tu comprends? Je t'aime de tout mon cœur, mais si c'était à refaire, je réfléchirais deux fois quand même. Non, mais au jour d'aujourd'hui, on a un petit garçon quand même. Oh, quand même! Bien! Bon, félicitations! Et le furet, il est où? Il est où le furet là? Ah, le furet, non, malheureusement, elle est décédée. Tu l'as tué? Elle a eu quelques petits soucis de santé. Elle est morte de santé. La peau. Ah, il y a Sandro Bardot qui réagit pas là, non. Non, j'étais en train de faire mes fiches cadeaux, ça passe avant. Hein. Ah, avant le furet. Je vais finir. Bravo. Je passe avant tes fiches cadeaux. Non mais attends. T'as raison. Sérieux quoi, 100 euros quand même. Bon, et Mathieu, justement, en parlant de fiches cadeaux, on va te filer tes deux places aussi, tiens, pour Percy Jackson. Avec grand plaisir. Ça défère. Par contre, tu aurais un petit plan pour un téléphone portable à l'occasion. Je dis bien à l'occasion. Bah écoute, là non. Mais sinon, on a bien un plan. Mois, à l'occasion, on te rappellera. Hein. Bah sinon, moi j'ai pas une occasion, j'ai un S3 si tu veux, on peut s'arranger. Voilà, c'est ça. Ouais, franchement, ou pas. Ah bon, je récupère une occasion. Il veut un local, même, oui, c'est le, ça. Même le S3, hein, attends, c'est pas grave. Genre, même, tu sais, genre, téléphone de merde, quoi, tu vois, c'est comme si on parlait d'un Nokia 3310. Ouais, même ça, je récupère. Mieux. Ouais, tu vas pouvoir t'en servir. Ah non, je suis passé du Sony Ericsson Walkman au Samsung Wave M. Ah ouais, le Samsung Wave Sony... M sous Bada, quoi. Il y a même pas Android, c'est Bada, quoi. Ouais, mais mec, t'as une meuf, et ça, ça a pas de prix. Ouais, et t'as eu un furet. Et ça non plus, ça n'a pas de prix, effectivement. Ouais. Tu peux pas tout avoir, mec. Ben ouais, c'est ça. Bon, ben Mathieu, en tout cas, les places de ciné, ça c'est sûr, tu les as. Et c'est cool. Et puis t'embrasses ta copine, hein. Ah, mais bien fort, j'y manquerai pas. Dès qu'elle arrive, et paix à son amour. Et paix à son amour furet. Ouais, voilà. Alors, vas-y. Bah alors en tout cas une grosse dédicace à toute l'équipe de Fun parce que franchement vous êtes extra. Le soir quand je fais mes livraisons j'écoute que vous parce que ça déchire. Bah c'est gentil. Pour moi ça met la banane, ça fait plaisir, vous me faites bien rigoler. Et puis bah une grosse dédicace à ma chérie que j'aime de tout mon cœur et que j'aime toujours. C'est mignon. Pendant qu'elle était avec un autre. Il y avait deux petits bouts aussi. Très bien. À l'occasion, j'ai une association aussi de jeux en ligne. Si jamais il y a des gens qui veulent follow le Twitter, c'est Evocate. Hein, on sait jamais. Oh bah vas-y hein. Attends, le pauvre, il fait que ça de sa journée, laissez-le, les gars. Ouais, c'est exactement, ça. Attends, tu sais quoi, Eh, attends, je vais te follow, là. Vas-y, donne. Vas-y, tu tapes Evocate. E-V-O-K-A-T-E. Ouais. K-A-T-E. Tu devrais tomber, il y a marqué Evocate officiel, parce que ça rentrait pas officiel. Forcément. Ah, parce que toi, t'as un truc officiel et tout, toi, t'es. Ah bah, attends, c'est pas n'importe qui. Attends, ça fait 10 ans qu'il est devant son ordinateur. Hein. Ouais, c'est ça. Non, ça fait 6 ans que je suis devant le PC maintenant. Attends, Evocate off, il y a pas là, aucun tweet. Mais non, c'est parce que tu cherches pas dans le bon. Merde, attends une seconde. Oh. Alors. Attends, tu cherches dans personne. Une seconde. N'hésitez pas, il y a du Dailymotion, il y a du YouTube, il y a du Twitch, on fait pas mal de streams et d'émissions web. Faut pas hésiter. Attends, t'emballes pas avec la promo là. Alors, pour le moment, il t'a pas trouvé encore. Alors, il y a pas là, mec. Mais tu rigoles ou quoi? Mais non, t'es sur Google, tu peux que tomber dessus. Attends, mais t'es personne là, visiblement, hein. Bah. Attends, tape Evocate sur Google. Bah, y'a rien là, y'a que dalle. Bah, arrête. Même moi je le trouve. C'est normal ce que tu trouves. Hein. C'est normal, c'est chez toi. Est-ce que tu sais chercher déjà? Bah oui, évidemment. Attends, je vais essayer sur Google. Voilà, google.com, voilà, c'est fait. Hop là, une seconde. Ouais, Evocate Gaming, moi je l'ai direct. Comment ton furet? Evocate off. Mathieu? Ouais. Il s'appelait comment ton furet? T'as pas l'impression que tout le monde s'en fout, Sandro? Nénette. Oh, c'est chaud. Putain. Alors, Evocate, Allez, Bah, mec, t'es pas là, hein. Mais si, E-V-O-K-A-T-E. Regarde, moi, je suis dessus, hein. Ah bon? Regarde, hop, voilà, follow. Voilà, moi, je suis abonné. Bah, comment ça? C'est quoi, sans fume? Envoie-moi le lien directement, alors, moi, je trouve pas. T'es mauvais, t'es pas mauvais. Bah, écoute, j'ai pas trouvé. Oh là là. Bizarre, tiens. Bon, Evocate underscore officiel. C'est facile. C'est facile. Bon, on va faire dans un instant. Je te ferai un petit follow, là. Je mettrai le lien sur le Twitter, comme ça, t'auras peut-être des gens. D'accord? Ah ben avec grand plaisir, franchement ce serait vraiment cool. Bon ben salut Matt. Ciao. Bah merci beaucoup l'équipe, bonne soirée. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et puis on revient dans un instant avec Anthony aussi, avec les preuves d'amour, avec Greg également et Eric là. On va appeler la meuf d'Eric, enfin l'ancienne copine d'Eric là, pour essayer de récupérer les 500 euros. C'est juste après le son de Jason Derulo maintenant sur Fun The Other Side. In the beginning. Bon ouais, pour l'instant il se passe pas grand chose là. On va savoir dans quelques instants là qui va repartir avec l'iPod Nano ou avec le casque DJ, hein. Vous avez pu miser sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Quel serait le score de ce soir là pour Belgique-France? On est à presque la 80e minute et toujours 0-0 là. Putain, c'est pas les occasions qui manquent à gauche et à droite, hein. Mais voilà, il se passe rien pour l'instant. 0-0, on vous tient en jus. Reste encore 13 minutes à peu près, hein, 13-14 minutes. Si vous avez misé 0-0, on n'est pas à l'abri de petit match nul là. Si vous avez misé 0-0, on n'est pas à l'abri de vous appeler pour vous offrir votre iPod Nano ou votre casque DJ. Donc bonne chance en tout cas. Maintenant c'est fait, hein. Vous pouvez plus miser maintenant. Quoique, comme il y a 0-0, peut-être prolonger. Bah non. Bah comme il y a 0-0. Bah non. Ceux qui misent un score, pas ceux qui misent le 0-0, ceux qui misent un score. Ouais. Non, bon allez, non, c'est bon. J'avais dit qu'on arrête à la mi-temps, on arrête à la mi-temps, c'est plus simple. Voilà, vous avez pu voter pour le match donc sur facebook.com/mikaelofficiel. Message d'Arthur aussi sur le Twitter qui dit quelle agréable soirée vous écoutez. Surtout ce soir, vous êtes en mode méchant avec les auditeurs, j'adore. Non, pas du tout, Alex, oh, il était cool plutôt. Juju qui dit cool, j'aime bien le son de Jason Derulo. Bah voilà, il était pour toi Juju, comme ça c'est fait. Il y a Ben aussi qui dit le mec fait tout pour sa meuf et après dit les coups d'un soir c'est mieux. Ouais, c'est vrai, en plus, il vient de le dire il y a quelques instants, si vous venez de le rater, là, justement. Bon. Alors, retour avec, notre ami, Greg et Eric, là. Vous êtes tous les deux là? Toujours, ouais. Bon. Alors, Eric, qui nous avait appelé parce que il avait prêté de l'oseille à sa, à son ami, et donc pas sa copine, mais une amie, 500 €, c'est ça, hein? Yes. Une voilà. Petite somme, quoi. Et ouais, une somme, bagatelle. Et bah aujourd'hui, ouais. Tu lui as dit que tu voulais plus être ami avec elle parce que je sais pas quoi. Et du coup, elle veut plus te les rendre, forcément. Ce que je reproche, c'est qu'elle a pas fait le moindre effort. Mais c'est normal. Mais oui, mais elle a pas fait le moindre effort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle disait qu'elle avait... Attendez, non. Un seul à la fois. Vas-y, Eric. Non, parce qu'à chaque fois qu'elle me disait qu'elle avait pas l'argent, ceci, cela. Je veux bien. Mais elle travaille, elle pourrait au moins faire un effort. Mettre 20, ouais. 50, au moins 80, je veux dire. Oui, mais elle veut plus, mais elle sait que de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Elle s'en fout. C'est ça, tu vas pas aller la taper. Oui, c'est bien, c'est une preuve. Ah oui, mais voilà. Bon, écoute, on va l'appeler. Elle s'appelle comment, la fille, Eric? Tania, très bien. Bon, écoute, je suis huissier de justice. L'huissier Mickaël. Voilà, je suis avec l'avocat Maître Peters. Oui, du bonsoir. Bonsoir, Maître Peters. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes droits pour récupérer mon argent? Ben, c'est-à-dire que tu as aucun droit, hein. c'est-à-dire que tu as pas le papel pour dire... Le quoi? Le papel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un truc sur lequel tu écris... Ah, les papiers? Oui, voilà. Ah ouais, d'accord. Oui, okay. Parce que donc tu as pas le machin. La reconnaissance de dette. Voilà. Ah ouais, parce que Maître Peter c'est flamand, donc il faut l'excuser. Dans le barreau de l'Antwerp. Oui, c'est parce qu'on l'a eu pour pas cher. Alors c'est pour ça quand on a des problèmes, on a souvent des problèmes. Enfin, soit. Donc on a aucun droit alors. Bah non, tu peux faire semblant que tu as du droit, mais sinon tu as tout dans ton pet. Hein. D'accord. Bon, merci Maître Peter. Bon, écoute, alors Eric, c'est pas gagné, mais enfin on va l'appeler quand même, hein, d'accord? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. Et c'est moi qui parle ou toi? Non, personne. Bonjour, vous avez mis un chien en rire, laissez-moi votre message. Ah ouais, d'accord, ok, mais t'es sûr qu'on est chez la bonne là? Parce que comment t'expliquer qu'elle a pas une voix? Elle a pas une voix très féminine, hein? Oh, Henri Camionneur. Attends, on va rappeler pour être sûr, attends. Attendez, sérieux là? Bonjour, vous avez mis un chien en rire, laissez-moi votre message. Vous avez mis un chien en rire, laissez-moi votre message. Là, je suis parti au chantre et puis il faut que je m'occupe de la marguerite. Oh, merde. Non, j'ai bien donné le numéro. Ouais, mais c'est pas le. Bon, alors attendez tous les deux. Bon, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des plus beaux messages d'amour dans un instant. Il y a Anthony aussi qui voulait donner un avis par rapport à toi, Eric, et par rapport à Greg aussi. Du coup, Anthony, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, de la Manche, toi, t'appelles. Et qu'est-ce que t'avais comme conseil à donner? Bah, le taper dessus ou voir avec la. Voir cette chose. Ah, bah oui, Anthony, ça sert à rien. T'imagines, tu lui donnes ce conseil-là, il va aller lui casser la gueule, elle va porter plainte, il va aller en tôle et il aura pas ses 500 euros. Il va payer encore plus. Moi, je suis à mon cousin, c'était un pote qui était parti là-bas et puis à la place d'être sur moi, c'était mon pote qui est parti, puis voilà. Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est pas. Après, tu vas t'en. Qui va, moi j'ai eu mon pote qui était cagoulé, puis il a tapé dessus, puis on a eu les sous en passant. Ah, d'accord alors. Ah, ben s'il était cagoulé. Non, mais sérieusement, Anthony, voyons. C'est pas un conseil, ça veut rien dire. Et puis surtout que quoi, tu vas aller la taper, et après, de toute façon, t'auras pas ton argent. Donc ça change quoi? Ou alors tu tires dans l'appartement. Ah oui, parce qu'en plus, tu fais un cambriolage comme ça. C'est-à-dire que si tu te fais gauler par les keufs, alors là, mais comment t'expliquer t'es pas dans la merde, t'es dans une surmerde? Au final, pour 500 euros, quoi, ça veut rien dire. Bon, attends, on a récupéré Eric, là. Bon, le numéro était bon ou il était pas bon? Il était pas bon. Non, mais ça, oui, ça, j'imagine, mais. Hein, mais c'est lui qui m'avait donné un mauvais numéro. C'était qui, Henri, là, qui était en train de traîner la vache? Je sais pas, c'est un pote. Mais par contre, je sais bien que tu gardes le numéro d'Henri, on pourra toujours le rappeler pour un jeu ou l'autre. Ouais, c'est ça, bien sûr, on va le rappeler. Bon, écoute, on va l'appeler maintenant, la fille, d'accord? Bon, on va l'appeler juste après, parce que j'ai peur que ça dure un peu longtemps. Après, j'ai la pub, ça va être compliqué. Donc, restez là tous les deux, je vous mets la pub, rapidos, là, et puis on revient juste après. Il y aura aussi le son de Carolina Marquez. Elle vient bientôt dans Party Fun. Bah j'espère. Oui parce que. Ouais non mais t'inquiète. J'ai vu le clip récemment, ça m'a. T'as vu, ça t'a renoué un peu. Ça m'a émoustillé. Ouais mais t'inquiète. Il y a Vanna Brown qui vient souvent là et très bien aussi. Hein. Ah bah oui. En plus elle vient d'Australie, ça lui fait loin. Bah c'est ça. Bon bah Carolina Marquez ça suit dans un instant sur Fun Radio et puis dernière ligne droite aussi avec le foot. Là il reste à peu près 9-10 minutes grand maximum à jouer avec le temps additionnel et c'est toujours 0-0. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. 01 42 48 5000. 20h, 23h. Fuck Mickaël. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio là et pour l'instant toujours 0-0. Là il reste quelques secondes de jeu. Pour ceux qui ont misé 0-0 là sur le Facebook, il y en a peu hein, pour le coup. Vous avez fait les malins là tous avec des buts à gauche, à droite. Là j'ai vu passer des 5-4 tout le bordel. On en est loin là. Ah, sauf si en 2 minutes là ils arrivent à taper des buts, mais ça paraît quand même compromis. Bon bah on fera le tirage au soir comme promis dans quelques instants justement sur Fun Radio. Et puis en attendant, on va continuer à parler aussi avec Eric et Greg. Là on va essayer d'appeler la copine d'Eric là pour récupérer les 500 boules et puis on va essayer d'avoir aussi l'auditeur qu'on a envoyé au stade là au stade Robaudouin à Bruxelles pour l'ambiance du match hein, voir un peu s'il était quand même content malgré un double zéro justement là même si le match n'est pas fini, il reste 2 minutes de temps additionnel. On vous envoie le son de Carolina Marquez maintenant sur Fun Radio avec Sing La La La et puis juste après le son de Carolina Marquez, on en saura plus sur le score final. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 23h, l'heure à laquelle Party Fun va débarquer. La bonne vacances tout le monde. Et voilà, fin du match 0-0 là à Bruxelles entre la Belgique et la France. Heureusement, match de merde. Il y avait les pom-pom girls à la fin qui ont quand même relevé un peu le niveau là. C'était un peu. Polo était en kiff devant l'écran. Il y a celle là avec les cheveux bouclés longs là, elle était de dos. Enfin, si elle se rebouclait. C'est ton jamais. Bon, on va quand même appeler l'auditeur là qu'on a envoyé là-bas pour voir un peu ce qu'il a pensé du match quand même. On va essayer de l'appeler parce que comme il y a 50 000 personnes, c'est pas sûr qu'on arrive à choper le réseau là. Peut-être quand même là. Allô. Allô, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio là. Bon alors comment ça s'est passé? Oui, bah ça s'est super bien passé. Bah 0-0 quoi. Bah oui. Allô. Ouais, bon alors comment ça s'est passé? Ah nickel, merci pour le match. Nickel. Ouais, 0-0 là, vous avez pas été... On a vu vos têtes là. Bah on peut dire qu'il est comme ça avant que tu te. J'aimerais bien faire une dédicace à Kéké. Bon. Bah écoute, avec plaisir. Dommage qu'il n'y ait pas eu de but malheureusement, mais en tout cas on vous entend très mal là parce que forcément il y a beaucoup de bruit puisque vous êtes encore dans le stade. En tout cas, salut les gars, et à bientôt. Merci encore les gars. Ciao, bye bye. Bon bah voilà, bah on n'a pas eu malheureusement faire une grande conversation, mais ils sont contents. Mais en tout cas ils étaient au match et bon même si ça finit sur un 0-0, bon bah voilà comme ça au moins. C'est plié. Bon alors retour maintenant, Eric et Greg, on va appeler la copine pour essayer de récupérer les 500 boules. Pour d'accord. Essayer, ouais. Bah ouais, je te confirme. Il y a Dorian qui dit match nul, comme les joueurs d'ailleurs. Ouais, pour le coup ce soir c'est relou. Elodie qui dit pour Eric pourquoi il fait pas son faux cul avec Satania le temps qu'elle le rembourse en sortie, etc. C'est pas mal. Pas con. Alors Diana aussi qui dit bonne soirée à vous, je vous aime, vous êtes les meilleurs. Bah merci. Et bah avec Maître Peter c'est sa caravane, t'es mal barré mec. Si c'est lui qui te sauve. Oui. Bah écoute. Bon Maître Peter c'est toujours là pour m'épauler au cas où. Hein. Oui. Au cas où j'ai besoin de conseils. Juridique. Oui, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'en doute. Bon, on y va, c'est parti, on l'appelle. Donc c'est Tania, là, on va essayer de voir. On va essayer. Ouais. Allez hop. Ah bon, elle est à toi? Non, c'est Tania. Une fois votre message enregistré. Ah super, un répondeur qui déchire en plus. Hein. Ah bon, ouais, t'as vu ça? Écoute, alors Eric, ce que je te propose, c'est qu'on la rappelle à la prochaine émission, hein, pas compliqué. Ça hein. Marche. Bah ouais, on a pas le choix là pour le coup, hein, on fera ça. Je m'en doutais qu'elle aurait tombé sur le répondeur, je m'en doutais. Ouais, mais t'es sûr qu'elle a pas changé de numéro parce que si c'est toujours le répondeur, il y a un moment c'est bizarre. Hein. Non, si tu veux, elle avait changé de numéro avant avril. Elle avait changé de numéro et c'est toujours le même. Bon. Ouais, parce que j'ai encore envoyé des messages lundi et elle m'avait répondu sur le même. D'accord, bon bah écoute, alors très bien. Hein. Eh bah écoute, Eric, on va rappeler dimanche alors, hein. Eh ben pas de problème. Bon ben on fera ça alors, pas de problème. Bon ben salut Eric et merci Greg en tout cas pour les conseils. Hein. Yes, franchement, je vous en remercie tous, vous êtes une très bonne équipe. Alors attends Eric, tu disais Greg? est-ce que je peux te gratter les deux places de Cinoche? Bien sûr, pas de problème, on va te filer ça pour Steve Jackson. Qu'il arrête de distribuer de l'argent, je pense qu'une consultation en psychiatrie, ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je fais psychiatre également à mes heures perdues, hein, donc si jamais ça t'intéresse, il n'y a pas de problème. Je suis totalement disponible. Tout à fait. Bon, salut Eric, salut Ray, à bientôt à tous les deux. Salut, bonne soirée. Allez, ciao à vous, bye bye. Et on va appeler aussi le gagnant là, qui avait bien pronostiqué le match nul. Eh bah ouais, il y en a eu hein, sur le Facebook, là, c'est parti. On appelle. Bah, j'espère qu'il a décroché maintenant. Hein. Alors attention, attention, on y va, on appelle. Le ou la gagnante, celui qui a pronostiqué correctement le match nul de ce soir sur le Facebook. Il y avait un iPod. Hello. Oh non. Hello. For English, press 1. Mais non. Ouais, on va directement. Désolé, mais la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. D'accord. Veuillez laisser un message après. On va lui laisser un message. Sonore. Salut, c'est Mickaël, t'étais en direct sur Fun Radio, je t'appelais parce que t'avais bien pronostiqué là, t'avais pronostiqué le 0-0 entre Belgique-France, et bah le match est terminé, c'était 0-0, tu t'étais inscrit sur Facebook, malheureusement, bah tu décroches pas, qu'est-ce que tu veux, tu passes à côté de l'iPod Nano là, ou du casque DJ que t'aurais pu choisir, déception totale, bon bah tant pis, c'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux, et puis la bonne nouvelle c'est qu'on va sélectionner quelqu'un d'autre du coup, hein. Oui. Eh bah du coup c'est parti, on va faire ça dans un instant, et puis en attendant on a Mathéo qui est avec nous là, salut Matt. Salut. Ça va? Salut. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène, Matt? On parle de quoi avec toi? C'est pour savoir si Denise aimait les gouttes plastiques. C'est quoi? Si Denise aimait les gouttes plastiques. Qui est Denise? Et qui est Denise? Ouais. Mathéo? Allô? Ouais. Ouais. Qui est Denise? Mathéo? Mathéo? Oui, c'est la cochonne de Fun Radio. Le monsieur te parle, la cochonne de Fun Radio. Mais qui est Denise? Parce qu'on... Oui, parce que je ne la connais pas, je veux parce bien que la chercher. Parce que toi, t'es intéressé, hein. C'est-à-dire que c'est une cochonne à Fun. Ah, il est parti, merde. Oh, déception totale. Bah merde, je pourrais pas savoir qui est Denise. Ah bah ouais, je suis déçu aussi. Ouais. Tant pis, bon, bah c'est pas grave, on a Thibaut avec nous maintenant, là. De l'Ariège. Salut Thibaut. Oui. Ça va bien Thibaut? Ça va bien, toi? Bon, oui, ça va bien, ouais, tranquillement, là, pépère, hein. Demain, jour férié 15 août, tu fais un truc en particulier ou pas? Eh ben non, je devais bosser, je bosse pas, tranquille. Ah bah ça va, là, cool, hein. Tranquille. Bon, alors toi, on t'avait eu hier en fin d'émission, on n'a pas eu le temps de... Ah zut, ouais. On est en fin d'émission, on n'aura pas le temps de te prendre. Mais je viens de voir l'heure. Ça va, il bande depuis une semaine. Mais j'étais persuadé en fait qu'il était plus tôt que ça. Donc je viens de voir l'heure au moment où je t'ai dit ça et je me suis dit, mais en fait, on t'a pris il y a 24 heures tout pile, quoi. Allez, à une minute près, on n'est pas dans le détail. Bon, et tu voulais nous parler de quoi du coup là? On va en parler là, hein, tant qu'on y est. Parle de ta branche. Oui, on peut en parler, ouais. Hier, on pouvait pas en parler, on peut en parler. Un petit peu, on a un peu de temps là. Ouais, on a une minute, quoi. Non, c'est bon, on a un peu de temps. Alors vas-y, quel est le problème, Thibaut? Le problème, c'est que j'ai de la gueule depuis mardi dernier, quoi. Mais comment ça se fait? Eh ben, je sais pas, j'ai rien pris, tu vois, et je sais pas, c'est... Je sais pas, j'essaie de savoir si quelqu'un pouvait trouver... Non, mais t'as dû prendre quelque chose, t'as dû prendre un cacheton, une petite pilule bleue, non? J'ai vraiment rien pris. Parce que hier, tu nous appelles, tu nous dis que t'as déjà la gueule depuis une semaine, on n'a pas eu le temps de te prendre. 24 heures après, t'as toujours la gueule depuis une semaine. Enfin, une semaine et un jour, maintenant. Ça fait genre au moins toutes les heures quoi, j'ai la gueule, genre je suis obligé d'avoir au moins la gueule 10 minutes chaque heure, je sais pas, c'est... Ah oui, donc ça reste pas, c'est ça fait pas une semaine non-stop que t'as la gueule. Ah oui. Depuis mardi dernier, toutes les heures, j'ai la gueule quoi. Ah. Mais c'est à quoi, tu te balades avec des vidéos porno sur ton iPhone ou... Ça va, non, c'est pas trop mon truc quoi. Non mais c'est un problème, c'est... À qui c'est déjà arrivé ça? Bah non, moi ça m'arrive d'avoir la gueule comme ça à des moments improbables, mais c'est... Oui, pas... non mais bien sûr, t'as une idée, tu vois une fille jolie. Voilà, mais c'est pas mais tout le temps. Mais de là avoir la gueule tout le temps là. Bah moi je suis perturbé hein, depuis que Pedro là, le directeur antenne de Fun, a donné un gage à Sandro en disant qu'elle devait choisir un des mecs de l'équipe pour lui rouler une galoche, depuis j'ai plus eu la gueule. Ah de la soirée là, rien. Ah mais ça t'a... Ah ça m'a refroidi là directement là. Ah oui, complètement. Heureusement elle a refusé. Là. Ouais bah. Par contre, avec Miko, on n'est pas à l'abri. Hein. Ah, Miko, il y a peut-être moyen. Ah, le roulage de patin avec Miko, peut-être, Sandro. Non. Je vois qu'il arrive, dit lui. Il arrive, là. Bon, Thibaut, et t'en as parlé à tes potes déjà? Il n'y en a aucun qui a eu ça? Non, il n'y a personne qui a eu ça. Je crois que c'est chelou. Ouais, c'est effectivement, c'est un peu particulier, je te confirme. Il y a rien de grave. Le gros problème, si c'est effectivement, si depuis une semaine, t'as la gaule, là, c'est chaud, mais là, pour l'instant, y a rien de grave, hein. Pour l'instant, c'est pas non-stop. Profites-en. Mais tu penses souvent à des meufs, à des films de cul, à des, à des filles en règle générale, ou à des mecs, hein, peu importe, ça dépend, je sais pas de quel bord t'es. Oui, pas du tout, je sais pas, ça vient comme ça, quoi, je sais pas, genre, il y a des moments, je suis avec mes darons, je suis au taf, quoi, c'est tendu, quoi. Ah oui, c'est tendu, ouais, ça c'est moi qu'on puisse dire. Ah ouais, ouais, non, mais ça c'est clair. Bon, écoute Thibaut là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va te reprendre dimanche, hein, parce que là on arrive à la fin, là il y a Party Fun qui pousse. Ok. Et mais ben, tu la feras dimanche. Ah c'est là. Ce que je lui dis hier, comme ça. Ah, on fera ça dimanche, du coup, comme ça, quand on aura trouvé une solution. On demandera aux auditeurs, d'ici là, aux auditrices, si elles sont déjà peut-être sorties avec des mecs qui avaient genre la gaule tout le temps, qu'est-ce qu'elles ont trouvé comme solution pour se débarrasser de ça. On fait comme ça, Thibaut. Ok, si tu veux. Bon, allez, ça marche. Allez, bah bon week-end quand même, hein. Enfin, long week-end. Je peux passer une dédicace sur, bah, la béquille. Tu l'as fait dimanche? Non, maintenant. Thibaut, t'es sûr que tu veux me donner un ordre? Je suis certain. Certain? Oui. Alors, essaye, vas-y. Je passe une dédicace. Non. Ouais. Dimanche. Ok. Très bien. Bah, le message est passé, hein. Eh bien, si, mère. Eh ben, je t'en prie, avec plaisir, Thibaut. Et à dimanche soir, hein, tu pourras la refaire. Pas de problème. Ouais. Salut, Thibaut. Ciao à toi. Non, mais dis donc. Alors, un ordre. Non, mais alors. Alors là, c'est ça. Vous avez entendu ça, vous? C'est un truc de ouf, quand même. 23h tout pile, et ça, c'est beau, quand même, hein. Pas mal, pas mal. L'heure de lancer Party Fun. Nous, on se retrouvera évidemment, parce que demain, il y aura Party Fun, du coup, à partir de 20h. On se retrouvera dimanche en pleine forme à partir de 20h. Hein? Ouais. Hein, en pleine forme? Ouais. Avec le gage de Sandro également là, faudra bien rester sur Fun Radio là. Ah ouais, avec le gage de Sandro, restez bien sur Fun Radio, on aura l'occasion évidemment et eh bien de voir quel gage elle aura choisi en fait, tout simplement. Voilà, passez un bon week-end, amusez-vous bien et à dimanche 20h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. 01 42 48 5000. Bon, et dans un instant, c'est Mickaël qui va débarquer donc avec Party Fun. Hein. Oui, dans une heure, c'est payé double. Voilà. Jour férié, c'est trip, non? Non, ici c'est double. Ah merde. Ah zut. Ah, peut-être qu'en Belgique c'était différent pour toi. Ah non, je sais pas. Tu vois, je savais qu'on aurait dû terminer plus tard. Ouais. Oh, mais putain, la semaine prochaine on fait 23h, 2h. Ah là, on va être bien. Ch'ting. Ah, ça va faire du bien. Ouais, en fait, non. Oui, si, c'est chouette. C'est fait en fumée aussi, t'inquiète pas. Bon, Mico, dans un instant donc. Oui, Party Fun toute la nuit avec Tristan Garnor qui va prendre les platines jusqu'à 1h du matin. Exactement. Et puis à 1h, bah, ce sera toi jusqu'à 6h. Oui. Et puis demain soir, 20h, tout ça, machin, etc. Si vous voulez rester pour être payé double et mixer jusqu'à 6h, y'a pas de Attends, restons réfléchir. Non. Bah non, là non. Là non. Oh bah voilà. Pas tout de suite là. Vous n'êtes pas joueur. Non, mais c'est vrai. Bah, mais c'est la prochaine fois. Parce que nous au platine, ça peut être un vrai carnage. Parce que je te rappelle que Toff est presque DJ. Presque DJ. Ouais. Ah, donc, ouais, presque prêtre, presque DJ. D'ailleurs, j'ai un truc à te demander là. Est-ce que tu peux pas me remixer un dos là? Parce qu'on a le nouveau son de. Parce que tu vois, il y a Polo qui est là et Astromaï qui est fan de Polo. Et lui a fait un nouveau son là. Bon, tu sais, il est un peu lent pour fun quoi. Ouais, grave. Ah ouais. Bon, je vais essayer pour le week-end. Ce serait pas mal, hein. Dans le week-end, tu peux nous essayer de nous torcher un truc là? Je vais ça pour lundi. Parfait. Bon, je compte sur toi, hein. Est-ce qu'on peut. Comment il s'appelle le truc, ta machine là? Ma machine. Là, on en parlait là, le C. Le C. Serato. Alors, la machine, c'est quoi ça en fait? Ah, le Serato, c'est en fait un logiciel où tu mets tes sons dedans. D'accord. Et ça te permet de mixer en fait. Voilà, Toff, maintenant tu pourras. Parce que Toff, il pensait que c'était des valises. Ouais. En fait, qui te permet de mixer, c'est ce que tu mets entre l'ordi et tes platines. En fait, le son est dans l'ordi. Ah, parce que Toff, il pensait que c'était des valises. Voilà, des flat keys. Ouais. Mais c'est une vanne en carton, tout comme une valise. Quand même. Ah, bah voilà, tu vois, donc il y avait un peu de bon, effectivement. Ouais. Bon, allez, bonne nuit en tout cas, tout le monde, amusez-vous bien. Bah, profitez bien de votre long week-end pour ceux qui ont la chance d'être en long week-end. Et puis, Mico, là, va vous mixer avec le McDo et tout ça, ça va être au top. C'est ça, il est parti fun presque à l'heure. Voilà. Allez, à dimanche soir 20h. Salut, salut tout le monde, ciao. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as un Sam, t'as le swag. Fun Radio.